Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Y'a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Tais-toi. Oh non. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Bienvenue pour ce 15e épisode, volume 3, d'Apéro Original. Alors, visiblement, Pépé est en PLS. En fait, un PPLS. Un PPLS, bravo. J'aurais pas osé la faire, on m'aurait dit que c'était une blague de merde. C'est pas parce qu'il a dit que ça n'est pas une. Hein. Et moi, on me l'aurait dit. Et moi, le premier. La victime. Remarque, c'est bon pour Aston, on sent que le vent tourne. Bientôt, tout le monde va l'aimer. Je vous laisse passer au fond. Donc, on est voilà, au mois de mars. Il fait beau, on s'approche des beaux jours podrainés. Ouais, dans un mois c'est pas mal. J'ai remis ma vue. Ah, c'est vrai. Oui, Sophie. Bah oui. Bah oui, forcément. La girafe. La girafe. Oui. Donc avec nous les habituels. Je vois tout. Non, mais tu le passes aussi. Hein, ah, pardon, mais je... les habituels sociétos. Hein, donc le nouvellement péremptoire. Ça fait quand même 6 mois déjà. Oui. Et le nouvellement aussi, Jonjon. Ouais, ouais, ouais. D'après mes règles que je me suis astreinte à moi-même, il est maintenant sociétaire. Il va falloir lui payer un verre. Je me déléguerai pour lui payer un verre. D'abord, il fait des dossiers, après, on verra pour le verre. Ok. Ah ouais. Visiblement, il nous a teasé des trucs, il peut faire des dossiers. Visiblement, il peut ouvrir des bouteilles avec un peu de. Ça, ça avec mérite un dossier. Son j'ai la capacité pour aller sur mille et une fagas. C'est la base du podcasteur. Tu as deux en Wikipédia. Donc voilà, non, les sociétaires, c'est du tout. Vous l'avez probablement entendu, nous avons des invités qui ont fait beaucoup trop de route pour écouter notre logoré, surtout la mienne. Tout ça. Et tout ça pour ça. Et je les remercie vraiment du fond du cœur d'être venus. Merci pour l'invitation. Voilà. Bon, c'est lui, hein. c'est le grand, mais c'est pas tout pâle. C'est le grand pas tout pâle. C'est la team, c'est pareil. C'est ça, c'est la team. Donc on a. C'est parce que c'est lui qui nous a invités qu'on est venus. Hein. C'est ça. C'était moi. Lui. T'es qui? Comme quand tu envoies des messages à des filles sur Tinder, c'est ça? Oh, sauf que c'est les filles qui lui envoient des messages et c'est particulièrement savoureux, hein. C'est... D'accord, ok. Ben en fait, elles ont un peu. Ouais. C'est pas très. Ça se passe bien. C'est pas très radiophonique. Mais... Un apéro original de Mars, tout sur la vie de Gandalf. Non, on va pas ça. Non, ouais. Rien sur la vie. Regarde pas. C'est ta. Ses habitudes au fucking Blue Boy. Non, mais moi je regarde pas. Donc, comme invité, nous avons Musica. Bonjour. Loli. Salut. Jonjon. Mais salut. Voilà, qui est Jonjon à la prune. Jean-Jean à la tulipe, Jean-Jean à la Randall. C'est moi. Et Anna. Hello. Qui sont là, ils sont bien, visiblement. Ils y sont allés franco. Hein, là, c'est le dernier épisode, c'est le troisième, on peut se lâcher. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme rubrique? Alors, on a cette rubrique, le monde nous envie, bien évidemment. Le c'est bien houblon. On a une question. Ah oui. Après, on aura un petit dossier, alors c'est un dossier tote bag, visiblement. Tote bag, yeah. Et qui dit tote bag dit ça va être long. Donc, tote bag dit ça va pas travailler. Voilà. Exactement. On a nos magnifiques questions aux invités, ce que Pépé vraiment nous envie. Un tour. On excelle. Un quiz. Oui. D'inspiration podcastique. Oui. Visiblement, il y aura périphérique. La tête de ton pour nous achever. Je pense qu'au troisième, ça va être bien. Je pense que le tocheux, là, on va perdre un sociétos. On va prendre avec des pincettes en téflon. En téflon. Et ça sera le programme classicos hein, pour les sociétos. Et qu'est-ce qu'on a juste avant? Qu'est-ce qu'on a dans un mois, pile L'acte 18 des Gilets jaunes. Oui. Ah, depuis qu'ils ont pas du Macron, ça va mieux. L'intronisation de Mélenchon à l'Élysée. Ça, c'est un running gag par contre, cette émission, hein, visiblement. On est en Mars déjà, il y a des voitures volantes. Ah, bah oui, on a marché sur Mars. Fois qu'on l'a fait, c'était au moment, juste avant les élections. Ouais, qu'on avait dit. Président, président, si tu nous écoutes. On n'a pas eu le nez creux, quand même. Le nez creux. Un très bon mois, Mars. Un très bon mois. C'est pour une fois, je suis bien content de ne pas avoir eu le nez creux. Trop de side blagues. Voilà, c'est ça. Donc, on a Podren 2018. Hein, rue, yeah. Rue... Alors, 7, et rue d'Espagne. Ça y est, on a retenu, maintenant. Ah. Ça fait 4 mois, maintenant. C'est toujours mieux que 7 rue de Franco. Est-ce que c'était merci vraiment nécessaire? C'était écrit. et j'ai tout volé à Thomas Sisley. Ouais, c'est ça. Il y a même la volée avec un autre. Voilà, il reste c'est encore ça. Un petit peu de temps pour vous inscrire. Hein. Dépêchez-vous, oui. Dépêchez-vous. Bougez-vous le cul. Hein. Bah, les places sont chères. Parce que c'est dans ça. Surtout que voilà. T'as vu le nombre d'inscrits là ouais, non, mais bientôt, le parce que. Ouais, fraîchement. Surtout l'invité, putain, et l'invité est comme un personne, YouTube en première partie. Incroyable. Toi, j'ai des relations avec ma carnet, si tu veux, maintenant je peux tenter de le faire venir. Franchement, depuis que John Lennon y vient, ouais. Ça change beaucoup de choses. Oh, j'aurais tellement aimé. imagine le John Lennon. Oui, merci. Non, puis bon, enfin, faudrait quand même oublier qu'on a Alexandre Astier. Mais oui, là, oui. Et Karim Debbache. Et Karim Debbache. Non, on a Debbache. On a Debbache. Il y a Karim qui amène Debbache. Et qui amène Debbiche ou pas? Et qui amène Debbiche. Les aliments, j'avais moi j'aimerais bien qu'il y ait Laurent Lefebvre, mais ça j'y arrive. Il y a Gandalf de biches. Ça peut être dangereux. C'est pas prudent. Hop là. Après ça, un gentil monsieur. Hein. C'est vrai. Paraît-il. C'est dangereux les gentils monsieur. Oui. Il y a François Pérusse aussi, non, qui en a annoncé. Et Stéphane Bern. Bonjour, mon premier ministre. Et Laurent Deutsch aussi. Ouais, et il y a Guido Géraud qui lance. Voilà. Ah, j'espère qu'il vous l'offre toutes ses chansons avec ses rimes tellement riches. Guido Géraud, je vais le ramener. Il vient de Grenoble. Riche qui touche à l'assassin. Il vient de Grenoble, je vais le ramener. Ah bah voilà. Il va nous emmener. Ouais, c'est sur la route. Une petite tournée. Allez. Et la vilaine fermière. Dans son pré. Quand on aura fait une avançons dans cette émission. Alors. Et nous avons toujours ce code Beemaker qui vous permet de vous initier à la confection de bière, hein, si vous le souhaitez, et ça vous permet d'économiser quand même 15%. C'est... Mais dis-moi, Gandalf, quel est ce code? Alors, ce code, c'est Apéro Original, comme Apéro Original le podcast. Avec l'accent, peut-être, non? Avec un accent, en effet. Et avec un E à la fin. En fait, c'est écrit comme Apéro Original quand vous tapez Apéro Original sur Google, et quand vous tapez Apéro Original sur Google, vous tombez sur Apéro Original sur Google. C'est magique, hein. C'est mais magique. Là, hein. Tu trolles. C'est une magnifique phrase pour n'avoir aucune information. Je crois que tu fais une fixation aussi. Je crois que 75% de nos auditeurs proviennent d'iTunes, de toute façon. Donc, je dis ça, je dis rien. Au nombre de 3. Bon, je suis sûr et certain. Donc voilà, si vous voulez vous initier à la bière en ce mois de mars, si vous voulez vous faire une petite blanche ou... Je dis comme ça, c'est raciste. Mais Une rousse. Tichon. Oh, sérieux. C'est je pense que là, tu. Putain, mais 9 minutes de canne. Ma force, tu t'assures. 9 minutes que ça commence et puis j'en peux plus. Une petite rousse, peut-être du VN. On va faire la balance des blancs. La balance des blancs. Ah, bah forcément, voilà, c'est le seul truc qu'il y a. La colorimétrie, c'est compliqué. Toujours plus. Oui. Donc eh ben, plutôt que je conduise la forme dans le goré, voilà, on va commencer directement par le c'est bien ou bien. D'ailleurs, on t'appelle souvent Gandalf le goré. Le goré. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter. On va goûter. Pouah. Allez, Paul. Oh. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ça ah, j'ai buena. Froid. J'ai soif. Allez, non, vous fuyez, les gars. J'ai soif. Eh ben, je vais directement Anna. Elle est là, elle est là, elle est là. Attends, pas là. Oh, tout bijoux. Oui, oui, non, c'est bien. Parce que directement, tu vois, je me sentais chaud. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que moi, je vais pas ouvrir de bière. Mais par contre, je vais vous parler d'une qui va s'ouvrir à... Après, promptement. Après, quand tout le monde aura bu la sienne. C'est-à-dire que sur la table, il y a une Chimay Grande Réserve. De Sigean. 2017. Et ça, un peu le Lyon. Et que je me ferai un plaisir d'inaugurer et goûter. Non dissimulé. Et de partager avec tous les membres de cette assemblée. Uniquement la sociétaire ? Ah bah oui, c'est la règle. D'accord. Wing and Dolph. Tu veux une paille pour aller avec, carrément ? Donc, une chimée, tout le monde connaît la chimée bleue qu'on trouve... Un peu partout. Un peu partout. Ouais. Ma préférée, c'est la chimérique. Et voilà. Donc, voilà. Une bière... Attends. Ta gueule pour voir. C'est mieux. Hein. Une bière trappiste, hein. Donc, ouais. Bière belge. À 9 degrés et qui, d'après la personne qui nous l'a posée sur la table, sera délicieuse. Et elle est donc. Alors, elle contient beaucoup d'informations, outre qu'elle est interdite à Sigourney Weaver. On ne peut pas la boire couchée. Dans un verre sans pied, on ne peut pas la boire dans un verre sans pied. Ah, c'est pas bon ça. Elle est trappiste et puis surtout il faut pas la secouer comme ça. Voilà. Dans le sens horizontal. Oui, comme ça. Et d'un autre sens, c'est bon alors. Ouais, bah d'après les flèches. Voilà. De gauche à droite et de droite à gauche. C'est peut-être recyclable. Et donc je transmets le décapsuleur de la destinée pas moi. Jean-Jean. Un peu trop là, je crois. Non, c'est pas le problème. Apparemment, la bière mérite. Alors là, voilà, cœur à les doigts. Donc, c'est une bière de la brasserie Dogma. J'ai pris l'Albino, ouais. Qui est une White IPA qui se mesure à 5,9 en drogue alcoolique. Environ 25 cm. Ça t'a dit que ça se mesure donc. J'aime bien 25 cm, ça me parle tout très chaud, très mesure. Bien. Attention, c'est un petit. Hein. Non, mais moi j'ai un empan de 22, donc 25 cm, Loli, t'as des grands spots. Il y a tout ce qu'il faut pour la recycler. On peut l'avoir en voiture comme d'habitude, mais toujours pas avec des femmes enceintes. Et bien, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Merci. Attention le bruit. Oh. Et dans le fromage. Tu sais, la corbière et le fromage. Ramène le clacos. Ah ouais, alors il y a un camembert. Est-ce qu'on peut parler du camembert? Il tient un bout tout seul. Ah, c'est un camembert. Alors, s'applique, c'est qu'il est bon. C'est un camembert. Il faut pas fumer à côté. Il semble. C'est vrai, il pique sur la fin. Ça. Parce que là, on a un spécialiste. Hein. Ouais, approuvé par la Normandie. Après, c'est léger, mais c'est léger. Un Normandos. J'en ai une qui piquait plus. Un Langto bien alors, fait. Alors, le petit Calandos. Pépé, le Clacos. C'est plutôt bon Clacos. Ouais. Alors là, je vous recommande. C'est Clacos sur un, clairement. Eh bien, bon, ben, en attendant, je vais pouvoir passer le décapsuleur de la destinée virtuelle à Tosseux. Ah, non, je vais le garder, tu vois, regarde, j'ai même rangé mes clés, j'ai rangé mon décapsuleur, j'ai décidé de à la règle de la maison. Ah, mais qu'est-ce que c'est merci, Rafa. Il faut quand même reconnaître que tout ça, c'est grâce à vous. Non, mais après, on va encore me dire, ouais, mais t'as changé, on te reconnaît plus. Voilà, coucou, vas-y, ça. C'est moi, ça ce que je t'aime. C'est quoi, hein. Enfin, qu'est-ce que j'ai... En fait, j'en ai deux sur la table. Tu pourrais nous ranger tout ça ? La gauche et la droite. Tu la portes de quel côté ? Il paraît que sur un front, ça fait une belle paire de là, pour le coup, tu portes à droite. Hein. Ouais, là, je porte à droite, mais d'habitude, c'est à gauche. D'accord. Ben, chacun ses goûts, hein. T'as changé. Je te déçois. Hein. T'as un Tipeee, c'est ça ? Bientôt. Ah. Ben oui, parce que comme je vais reprendre le rouleau avec moi, il va falloir que je mette de l'essence dans la voiture. Oh, la gosse. Ou l'annonce. L'annonce de mars. Non, c'était du 3, là, c'est tout. Ah. Putain, au début, Je pensais que t'allais faire des reportages sur les gangbangs, je suis déçu. Y'a personne qui veut le faire taire, non, parce que... Mais, enchaîne, quand c'est comme ça, faut pas l'écouter. Bon, moi j'en veux, mais ça risquerait d'être... Définitif. C'est un petit côté définitif. C'est frappe qu'un goût dans sur moi, non, c'est ça. C'est 8, ça suffit. Oui, mais là, ça fait 9. C'est bon, il frappe. Voilà. Bref. Tu vas recevoir un SMS de mois, David, merci. Il y a deux sessions, on était parti à Esquelbec et entre-temps, on aura fait. Non, on était parti à Bayeul. On a fait un saut par Esquelbec. Là, on va revenir à Bayeul dans la brasserie. T'as pas pris le chemin plus court, hein. Oui, le bâti gros. T'as pas fait le chemin plus court. Non, non, tout droit, c'est sûr, mais regarde, tu vois, j'ai même une réserve à côté où j'en ai une qui vient de Cassel. Ouais. Qui est un peu aussi sur la même route. La série, hein. Voilà, non, donc une. Vincent Cassel. Une Belgian triple qui est fait 8 degrés. 33 IBU d'amertume, je vais pas de redemander à Loli de nous refaire l'article de ce qu'est. Moi je sais pas. Je sais pas, voilà. Je sais pas, je sais ouais. plus. Et une couleur à 12 EBC, donc Belgian Crip classique. Oh. Allez, pour péter la capsule. Allez, on va... Oui, ok, d'accord. Demandez comme ça, moi ça me va très bien. Décapsule-moi l'opercule. Alors celle-ci est à opercule. Gourmand. Ah, tu vois. Gourmand. Oh. Bah pas trop et tout là, lâche pas les choux. Pomme. Une belle absence de mousse. Ouais, c'est pas rassurant. Un joli coup. C'est vraiment pas rassurant du tout. Ah bah heureusement ouais. T'as sorti une deuxième alors. Et je pense que ouais, j'ai dû le sentir. Et je vais donner le décapsulateur. Le décapsulateur. Le limonadier. Le décapsulateur. Loli, t'as rien? Non, moi je finis. Ah, tu finis celle d'il y a un mois. Ouais, bah tu sais, c'est lourd, hein. Bah, monsieur Flag. Qui a eu du mal à finir celle du mois dernier. Ouais. Mais elle était excellente, mais épaisse. Elle se pèse un peu sur l'estomac. Du coup, je prends du plus léger, je prends du District, ça s'appelle Groovy. Je ne connais pas du tout. C'est les fleurs d'avoine. C'est une pale ale. Et... Ouais, j'ai... exactement, j'ai choisi l'étiquette. 5 degrés, hein, ça me semble assez simple. Brasserie District, qui se trouve dans le 78. Voilà, et donc, hop. Merde. Ah bah voilà. Mon limonadier. Ouh. Ah, ah, ah, ah, de la mousse. Oulala, oh, mousse. Oulala, non, oulala. C'est bon, ça va. Ça s'est arrêté. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Écoutez, laissez. Je la buvais de la bière, vous étiez même pas né. Ah, c'est sûr qu'on était pas né. Moi, oui, c'est sûr. Et voilà. Mais alors, sympa tout ça. Ouais, il avait. Vous étiez encore qu'un. Un espoir dans les yeux de vos et parents. Et je passe le limonadier à mon gars sûr, Gandalf. Ah non, t'es dernier. Alors, tant pis, mais par défaut. T'as l'effet gâché, quoi. C'est tout ça pour la blague. Bah, ben moi, un peu comme ce cher pas trop mon gars sûr, apparemment. Non, ça va, je trouve que c'était toi, mon gars sûr. J'ai pris la Funky. Une IPA, bien sûr, de 6 degrés, dont on nous dit bière blonde American IPA, généreusement houblonnée, je vous en remercie. Voilà, brasserie district. Est-ce qu'on est copains de brasserie, du coup? Non. Oh là là. Il voilà. Est vexé, oh, hein. T'es vexé par la blague, hein. T'es plus mon gars sûr. Ouais. Oh moi, ça m'aurait... Ouais. Ah, moi, je suis choqué. Je m'en souviendrai. Moi, je... Wow. Ouais. Je m'en souviendrai. Monsieur ne sait pas prendre les blagues. Je vais passer à qui? Qui n'a pas encore décapsulé, comme on dit? Ah bah allez, Azertov, vas-y. Bon décapsulage. Et forcément, moi je tourne toujours au château Lapin. Mais il n'y en a pas d'autres qui ont repris la même. Bon château Lapin. Dernière de mon triptyque. La débauche. La débauche. Et du coup, dernière de mon triptyque. T'as vu, j'ai pas fait de blague ce que c'est. Sur la débauche. Là, c'est une. Et tu sais quoi? T'es un grand garçon. Donc c'est la Big Boy de la débauche. Big Boy. Oh, qui est blague. Attendez, écoutez, parce que c'est une bière au piment. Ah, qui va bien. Une stout au piment. Ouais, qui est à 12 degrés. Wow. C'est bon. Est-ce que c'est pas le max qu'on ait eu là en degrés alcooliques? Non, il y a eu 13. Toi, t'as 13, non? Ouais. Le lit, il a 13. Toujours à 13. À noter. Pour le peu qui reste, ouais, c'est pas dilué. Hein. Ça pourrait être 5 au début et 20 à la fin. A noter que comme bière au piment qui est pas mal, il y a une bière basque qui est la cerise et au piment d'Espelette. Ouais, c'est le Edzuki ou je sais pas si quoi. Si c'est basque, c'est forcément au piment d'Espelette. Hein. Ah bah oui. Et c'est pas mauvais. Et là par contre, elle a une couleur vraiment rose. C'est assez joli, je crois. Ouais. Ouais. Ça m'a, moi que j'ai lu. Oh là là, mais regarde-moi ce pétrole. Bleu pétrole. Bleu pétrole. Les stout, c'est un peu compliqué. Ouais. La soirée est sponsorisée par Total Petrol. Shell. Chut, pas de marge. Je crois même apercevoir un goéland qui s'est enfoui très dans couvert tellement c'est bête. Tu l'as bien dit, non? On l'appellera Erika. Et son petit frère Amo Cocadis. Et son neveu Pépé. Ouais. Oui. Mais tu vois, c'est là qu'on voit les vieux. C'est ça. Ouais. Nous, on a connu tous les naufrages pétroliers. Donc. Moi je dis rien, le pire, c'est que c'est ma bouteille en toute discrétion. Ouais, vas-y. Rien à battre. Azertov me fait passer le décapsuleur en toute discrétion. J'ouvre ma bouteille en toute discrétion puisqu'il s'agit également de la albino de la brasserie. Oh là là, les couleurs. C'est rare qu'on a des deux fois les mêmes. Ouais. C'est arrivé. Ensemble ce soir. Oh non, mais Jean-Jean en plus. Effectivement, en plus. Ils vont faire. Ils vont faire des bisous. Vous pouvez pas les faire un peu plus haut, c'est si, bouge pas mon gars. Oula. Je peux avoir un peu de mousse. On en avoir un peu plus. Y en a un peu plus. C'est moi qui. Attends, il y a Musica. Château La Pompe. Château La Pompe, comme toujours, Château La Pompe de Castres. D'excellentes cuvées, comme d'habitude. Pas de goût de chlore. Elle vient tout de suite, juste en fin de bouche. Elle te titille un peu l'arrière de la langue. Et alors, elle se déguste à quelle température hein? Plutôt alors, ambiante, plutôt fraîche Moi, personnellement, je la conseillerais autour de 3 degrés. C'est frais. Ah ouais, ouh, ah, bien frais. Hein, un demi-mousse, demi-mousse. La longue froide de mousse. Non, c'est demi-mour. Ouais. Et pas demi-molle, lui. Et toi? Alors moi, c'est une Champion Bootlegged Beer of Britain 2017, quand même. C'est une Saint Austell, pas californien, bien évidemment. C'est une Big Job, double épié, et bien évidemment, elle est en bouteille parce qu'elle est personne en bouteille. Personne n'a retenu. Hein. Voilà, elle est en bouteille, donc voilà. Et on est sûr de vouloir lui ouvrir sa bouteille, on va pas lui caler dans le coin de la gueule. Le cul. Tu vois, ils ont supporté deux épisodes et déjà au deuxième, ça devait... Alors, c'est une double IPA. Ça fait longtemps que je suis pas devenu violent, moi. Tu dis, c'est quoi que tu le trouvais normal, en fait, c'est ça? c'est on m'avait prévenu en même temps. Disons que c'est moins pire que prévu. C'est quand même pas fou. Il faut toujours écouter David. Ouais, David. Surtout David, sans doute David. Et donc, alors, j'étais justement en train de lui en parler. Une double IPA, alors 7,2 degrés de volume alcoolémique. Seagull Weaver interdit. Visiblement, quelqu'un jette quelque chose dans R2D2. On ne nourrit pas R2D2. Voilà. Et les éco-responsables, tout ça. Donc, si t'as envie de sauver la planète, tout ça, tu vois, une bière. Toutes tes conneries, bobo écolo. Bobo écolo. Sauver la planète avec la bière, faut combien de litres d'eau pour faire un litre d'eau? Pardon. Messieurs les experts du Focal. Bon, à toi. Bah, faites son pas hydraulique que vous recherchez. Normalement, en proportion, t'es à 80, entre 85 et 90% d'eau. Et voilà. Plus l'évaporation, tu vois. Et donc maintenant, nous pouvons plus trinquer. Allez, moi, on trinque, on va se toucher. Allez, c'est fini, c'est ça. Allez, je fais le sens trigonométrique. Ah, santé, hein. Ah, il est bien. Ah, bonjour, Jean. Il y en a un, il a été franco. Il y a eu un échange fluide inattendu. Je me suis pas chez. C'est le meilleur. Avec Randall, on est là, on attaque. On s'attaque avec Randall. Anna. Et je crois. J'ai pas fait là. Je crois que je t'ai fait. Oui, ça rappelle. Hein. Oh, tu l'as fait. Oh, tu l'as fait. Je suis les Franco. Il manque le lit qui est en train de boire. Non, non. Vous mentez. Et on t'est mort. Ah, non, non. Bon, alors, est-ce que je déguste. Très sympa celle-là. Mmh. Pas mal, ouais. Dans ce style. Bon, je confirme, la mienne est juste buvable. Comme dirait l'autre, l'agneau était domestiqué. Ah, c'est bien. C'est bien ça. C'est vrai, la tienne est pas. La domestiquée est infectée. Non, elle est dégueulasse. Puis limite, elle est. Voilà, c'est bien ça. C'est juste la bière. Heureusement que j'ai amené la bière du rose parce que je pense que l'autre a. Est-ce qu'on a du supplémentaire? Allez. Est-ce qu'il y a du supplémentaire? Oui, bah il y a la chimée. Il y a la chimée, c'est moi qui l'ai présenté. Et au pire, on aura autre chose si. Voilà. Si les autres s'en sentent le cœur. Voilà, si. J'espère qu'on va sur d'eau. C'est ce qu'il faut. Aussi. Ouais. Doux et houblonné. Elle est bien, moi j'aime bien. C'est très bien ça. T'as goûté? Tiens, c'est un peu le même genre en fait. Tu vas voir. Moi ça pique pas encore. Non, ça pique pas. Non, c'est pas que ça pique. Ah, très sympa. C'est que ça colle au palais quoi. De laquelle? Moi je passe au stade. C'est encore un peu similaire. Très houblonné. Ouais, elle est cool. Mais moi je préfère celle d'Asto. Celle Celle-là, faut que je la T'as deux lames. Regarde le côté miel. Disons qu'il y a de la mâche, quoi. Ouais. C'est très celle-là, moi j'aime bien. C'est un petit gâteau. Je me permets de goûter celle de Pépé aussi, qui est de la même collection. Micro-sieste. Tu sais pas faire. C'est pas vers toi. C'est moi qui sais faire. Tout va bien. Les Big Boy. Donc c'est le piment est validé. Écoutez. C'est la Big Boy de... Big Boy. Non, c'est toi la Big Boy. Ouais. Ça par contre, j'ai pas Ah oui. Je préfère le... Peut-être un Fly. Non, je suis content le café. Fly. Qu'est-ce qu'il a fait, Fly? Ouais, ça c'est vraiment un peu de pétrole. De pétrole. Pardon, j'ai déjà me faire. Elle est pas mal quand même, mais bon. Moi les stout, je reste sur le fait que c'est vachement je reste sur le fait que c'est assez bon comme goût, mais il faudrait des petites canettes en fait. Des canettinettes. Il faudrait des shooters, des canettes de 10 centilitres. C'est ça. Bah, ceci dit, à partager. Ah, carrément, tu l'as balardé, elle était vraiment dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est imbuvable. Ah, bah ouais, c'est peut-être même toxique. Je pense pas qu'elle est même. C'est juste de la merde. Non, je pense qu'elle est. Vu le goût, c'est juste de la merde. Du coup, t'as pas été. C'est pas une infection. C'est pas une infection. Je suis parti donc sur celle dont je parlais tout à l'heure. Je prends l'ouli, je prends tout le monde. Qui sort d'une brasserie, de la brasserie du Mont Cassel. Et c'est. La bière, ça s'appelle la bière du rose. C'est une blonde qui titre à 6,5. Arrache l'opercule. Voilà, à base de malt d'orge. Donc la bière classique. C'est la première fois qu'on a une orange. Par contre, j'aime bien le limonadier du destin. Merci Flagger. C'est la première fois qu'on a une orange. Ah oui, c'est Arrêt au stand. Allez. Ouh. Ouais, déjà, elle fait un bruit qui me plaît plus. Mais, puis peut-être qu'elle va faire de la mousse. Oh, l'air déjà, non, je crois qu'elle en fait déjà. Ouais. Ah, pas tant que. Ah, si, pas. Si, ça va. Ça y est, le verre est propre. La mousse. Voilà, déjà, ça s'en plaît un peu plus. Ça pue de gueule. Qui c'est qui grince comme ça, qui fait du bruit? On voit la bouteille du coup. Ouais. C'est, il me faut le nom de la. La ref. La ref. Il y a bien longtemps de cela, dans les temps anciens, un ogre très vorace et très méchant effrayait tout le pays. Je lis l'étiquette. Macron. Mais comment terrasser le géant, ce terrible monstre? Quelqu'un eut l'idée de mettre sur sa route un énorme tonneau de bière qu'il but tout d'un coup. Ivre mort, Reuse fut facilement terrassée. Pour l'ensevelir, on apporta tant de terre que s'édifia une montagne. Ainsi, Reuse dort sous le mont Cassel. Et quand le géant se retourne les jours de carnaval, tout Cassel danse. Waouh, tout Cassel. Ok, ça peut jouer. Okay, voilà, c'était la bouteille de Toche. Ah, il faut faire passer. Il faut la faire passer. La bouteille de Toche. Oh là là, tu comprends rien, là, dis donc. Ouais. C'est pas possible. C'est pas comme si on était au mois de mars, hein. Je voudrais savoir, putain, bon, ça fait que 3 mois qu'on vit ici. Bon, bah, c'était la fin de cette affaire originale. Je vous remercie. Alors, on va congédier tout le monde parce que c'est fini. Ah ouais, super. Ok, c'est bon. Non, maintenant on va changer de format. C'est presque une bonne nouvelle. Voilà. Alors en fait, on va ouvrir une pizzeria qui s'appellera Apéro Regina. On va complètement changer de concept. Voilà. La violence, toujours pas. Vraiment. Non, bien sûr. Dehors, cela, il y a des preuves. Donc on va attendre. Non, mais il y a des armes. Non, mais tu peux les prendre. Un tesson. Il y a les gendarmes juste à côté. Et ils écoutent des musiques. Attention. Non, français, des musiques de gendarmes. Oui. Ah oui, ah oui, ils écoutent du Emile et Images à 23h. Vous voyez qu'il est. Bref. On passe à la suite. Passe à la suite. Alors on passe, et Asto, c'est ça. C'est ça. Il va nous sortir le taux de balle comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu. Donc, qu'est-ce que c'est le taux de balle? Mais quel est le concept? Alors, du coup, avant, jingle. Jingle. Ça va tourner autour du trou de balle. C'est histoire. Non, c'est pas le bon. C'est pas celui-là. Ah, j'ai vraiment du tote bag, effectivement, c'est quand t'as pas trop travaillé ton dossier ou alors quand t'as plein de choses que t'as envie de partager. Genre ton dossier c'était pas faire parler Loli. Merde, c'était moi, merde. Mon dossier c'était de vous. Attends, je te jure, t'es border là. De partager quelques jours de mes lectures, plus ou moins récentes, des lectures plus ou moins récentes, mais. Ouais. Que je trouvais intéressante à vous présenter. Intéressant. D'où l'idée du tote bag. Du tote bag. Le tote bag. Le tote bag, la version régionale du tote bag. Non. Elle fait péter le tote bag. Mais j'en ai deux parce que j'avais beaucoup de choses. Un voit ta bouteille. Non, non, non, non, non, dis pas j'avais beaucoup de choses, on dit j'en avais faïs. J'en avais un faïs. J'en avais faïs. Je coincé par le plus gros. J'en avais gavé trop. Ça va me faire de la place. Oh la vache. Oh, oui. Ils ont réédité Non, c'était il y a un moment. Mais ils l'avaient sorti dans ce format. Oui. Sans déconner. C'est un moment. Bon bah achète-le. Ah, non, non, non, mais j'ai déjà les deux tomes, moi, donc... Oui, je t'avais emprunté les deux tomes à l'époque, oui, pour les lire. Il avait ressorti en intégral. C'est un chouette format. Il s'agit de All You Need Is Kill. C'est du bon. Qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle All You Need Is Kill. Et qui s'appelle, dans le film, c'est... Age of Tomorrow. Age of Tomorrow. Avec Thomas Croisière. Avec Tom Croisière. Avec Tom Cruise. Et Thierry Équipage. Donc c'est l'adaptation en manga est sortie à peu près en même temps que le film. Ouais. Donc c'est basé effectivement sur un roman du nom de All You Need Is Kill. Et donc cette adaptation en manga est donc dessinée par Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note. Attends, attends. Ah, le duo magique. Ouais. D'accord. C'est pas le même scénariste puisque c'est vrai qu'il travaillait déjà en duo pour Death Note. Mais donc c'est dessiné par Takeshi Obata. Le duo magique. Et c'est donc de la balle. Donc, je vais vous laisser. Je me suis. Monsieur l'expert en BD. Moi, je me suis régalé à le lire. Non, on a dit l'expert en BD, pas toi. Non, mais. Pourquoi t'es venu Je m'étais également régalé à le lire la première fois quand je t'avais emprunté les tomes. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité quand j'ai vu le l'intégrale en grand format. Et ça, il coûte combien, juste par curiosité? 28€, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Entre 25 et 30. C'est entre 25 et 30. 25. En fait, c'est super belle, quoi. Voilà. Back et tout. C'est du grand format, couverture solide. Rigide. Hardcover. Weird back. Et c'est un intégral. Donc c'est les deux tomes réunis en un seul volume. Ils font de plus en plus, j'ai l'impression. C'est vraiment si chouette. Ouais. C'est comme il y a un manga qui est sorti aussi dans ce format-là, c'est Planète. Ça par contre. Oui, par contre les tomes sont assez gros. Avec des trames maîtrisées. Ah, t'as Intégral qui est sorti comme ça. Bon, ouais. C'est vrai qu'il est assez épais, mais pareil que pareil. Un découpage dynamique mais compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas un gaufrier, quoi. Voilà. Mais un ça reste compréhensible parce qu'il est souvent. Le gaufrier, c'est quand t'as les cases à la Astérix. Ouais, voilà. Je crois que c'est le terme de gaufrier. Le découpage BD franco-belge, quoi. D'accord, je connaissais pas l'expression. De moins en moins. Merde, c'est moi que j'ai acheté mon ami Azertov, là. C'est. Je sais pas quoi, dans notre genre, là. Solitude dans notre genre. Solitude dans notre genre, voilà. Ah, oui, je parle qu'un terme de gaufrier, on peut pas faire pire, c'est 3. Ça finit. Une colonne. Oui, c'est des strips, quoi. C'est ça, strip. Bah, je crois que c'était ça, de toute façon, de base. Je crois que c'est. Oui, mais c'est du strip. Le manga Tokyo Ghoul, qui est vraiment. D'accord. C'est 6 cases par page. Moi, ça m'a un peu les mangas. Je suis bon public, Solitude de notre genre, j'ai commencé à le lire, je suis entre le. C'est très bien et c'est pas bien. Est-ce que le scénario est proche de celui du film, puisque moi j'ai pas lu. Je n'ai pas vu le film. C'est un peu mieux branlé que le film, je trouve, pour l'avoir vu. Je sais par exemple que dans le film il y a une épée. Là, c'est une hache en fait. C'est la seule différence que j'ai. Ouais, ça pourrait aller comme différence. Mais le film était pas mal. Hein. Ah, mais le film était bien. Et le film va, malheureusement, j'ai envie de dire, avoir a priori une suite. Oh merde. Ah, ça c'était pas une bonne idée. C'était pas utile surtout. Ouais, je crois qu'il va y avoir un Edge of Tomorrow 2, Live, Die, Repeat. Ah. Ah, des fois t'as des bonnes idées, ça s'achève, c'est bien, c'est nickel, les mecs, ils sont bons. Je croyais que le bouquin s'appelait Live, Die, Repeat. Et bien, il me semblait que le film avait été renommé Live, Die, Repeat à sa sortie en DVD, et lorsque j'ai fait des recherches Live, Die, Repeat sur Google, ça sort Edge of Tomorrow 2, sous-titré. D'accord, pour moi c'était le titre du bouquin au départ, mais apparemment c'est All You Need Is Kill. Ça, c'est exactement le type de trait que j'adore dans le manga. Ouais. Bah, c'est. Enfin, pour moi, c'est. Obata, c'est une bestiole. Takeshi Obata, c'est vraiment. C'est, enfin, c'est un fou furieux du dessin. Si vous avez vu voilà, les Death Note, les Bakuman, ouais. Platinum N. Mais c'est vrai que c'est Bakuman. Ouais, aussi. C'est lui aussi. C'est comme le. Hikaru no Go. Hikaru no Go, surtout, c'est sa première vidéo. Manga sur. Blue Dragon. Oui, les Blue Dragons, c'est vrai que c'est lui. C'est totalement pété, Death Note. Ouais, ouais. Et School Judgment également, c'est le même dessin. Oui, ah oui, c'est deux tomes, c'est un nom, trois. Trois tomes. Trois tomes. C'est des enquêtes à l'école. C'est super. Enfin, c'est un très bel ouvrage en plus. Ouais. Le bouquin est beau. De l'avoir lu, j'en ai gardé un beau souvenir. C'est des éditions qui font très, bah, par exemple, Urban Legend. Les Batman sortent comme ça. Urban Legend. Pourquoi Urban Legend? Et donc, c'était chez. À cause de lui. Le trade, c'est vrai que le trade Obata permet de ce grand format-là. Du trade qui est vraiment assez léché. C'est très fin. Ouais, c'est fin. Oh, bah je connais, t'inquiète pas, moi je les ai. Oui, j'ai lu, je lu, relu, repépé, feuilleté. C'est chez Kazé, je crois, c'est ça. Chez Kazé Manga, voilà. Et moi je m'étais vraiment régalé à le lire, c'est deux tomes normalement, mais là c'est une intégrale. Donc, ça c'est bien. Ça, en plus, c'est vraiment gros, quoi, les dessins, on peut vraiment profiter. Ah, bah Obata, c'est une bestiole, un dessin. Si tu veux te régaler, je crois qu'à terme de dessinateur manga. Je regrette souvent les formats d'édition des mangas. C'est un peu stéréotypé, souvent. Du coup, quand je l'ai lu en numérique, je préfère presque, quoi. Que sur un format de ma surface, c'est assez agréable. Ouais, le format ne me dérange pas, mais c'est vrai que pour certains dessins, des fois, tu perds vachement à cause de ça. Sur certains mangas, ouais. C'est dommage, ouais. Sur d'autres, après, ils s'adaptent. Next. Next. Hop. What is next? Renjo Desperado. Ah oui, donc, oui. Tu as déjà le lire? Non, pas du tout. Non. Tu l'as pas lu? Non, comment ça s'appelle? Moi, je suis ce terme japonais. J'achète des trucs et je les mets sur des piles et je les lis jamais. Ah, c'est une bibliothèque. Terme pour ça. Oui, il y a un terme pour ça. C'est oui, Tengo. Pas Tengo, je vois. Oui, un truc comme ça. C'est Tengoku. Tengoku, je sais pas quoi. Un truc comme moi, ça. C'est ça. Ouais. J'ai vu ça. Et c'est tellement vrai. c'est ma vie. Ma vie. Je me suis calmé un peu, mais j'avais une période où j'avais une pile de lecture à faire qui grossissait. Une pile ailleurs. Ouais, donc, Renjo Desperado, c'est l'histoire de Monko, une jeune fille qui a une apparence un peu de samouraï, comme vous pouvez voir sur la couverture. Mais qui a un bras pistolet comme. Un bras mécanique. Comme Cobra, mais pas pareil. Laisse finir, laisse le finir. Le Japon qui, en fait, est un Far West américain, quoi. D'accord. Donc, c'est une samouraï au Far West où tout le monde fait des gunfights et elle est avec un sabre. Un peu comme etc., mais pas pareil. Bon, j'avais plus en tête Trigun, du coup. Ouais, Trigun. Etc. aussi. C'est Trigun, sauf que là, c'est une meuf qui est avec un sabre, alors que tout le monde se bat avec des pistolets. Et Trigun, il y avait un petit côté. Non, là, c'est vraiment le délire comique du truc de la fille qui se bat avec un sabre au Far West. Face aux mecs qui sont en fond. Des guns. Et qui, en fait, elle, son seul souhait, c'est de trouver le meilleur mari. Ah, je pensais que c'était de chercher quelqu'un qui sentait le fleur de tournesol. Non, on dit un truc. Son délire, c'est juste de trouver le meilleur mari au monde. Donc dès qu'elle rencontre un mec, ça y est, c'est le mec le plus beau du monde. Et en fait, c'est un gros connard. C'est tellement improbable. C'est un truc, mais totalement what the fuck dans les scénarios. C'est improbable, mais ça donne envie en même temps. Et c'est très très fun à lire. De toute façon, ça. C'est édité chez qui? Ça peut pas être plus what the fuck que je dois commencer à les lire les Lady Boy versus Yakuza. Je suis en train de feuilleter le Reunion is Kid. Ouais. Kid. Et au niveau du papier. C'est des enfants. Ouais. c'est du papier épais. C'est du épais. Ouais, c'est du papier. C'est pour ça que je suis ça de Urban. Ouais. Ouais, et pour. Ça se fout pas de ta gueule. Ça se fout pas de ta gueule. C'est. Putain. C'est il va pas gagner des masses. Parce qu'un truc comme ça chez Urban, ça vaudrait facilement 35. Tiens, d'ailleurs, c'est chez qui? C'est Kazé, d'accord. C'est qui me l'avait dit? Une tonne de papier imprimé chez un imprimeur, c'est 2 euros. Voilà. Moi, j'en ai parlé dans la semaine avec quelqu'un. Et une tonne de papier, c'est 2 euros. Hein. C'est pas le papier qui coûte le plus cher chez l'éditeur. C'est l'encre. C'est l'encre. Non plus. Ben, donc, c'est imprimé. C'est fait. C'est malgré tout. 2 euros. Quand t'as du papier deux fois plus lourd. Le mec arrive à tirer les prix jusqu'à ce point-là. Je veux bien l'adresse de ton imprimeur. N'empêche que si t'as du papier deux fois plus lourd. Pour les armes. Ah oui, non, mais ça coûte bien plus cher. Oui, ça coûte bien plus cher. C'est pas ça le point le plus gênant. Donc, on va être sur vraiment du. Pas du gag manga, mais de la comédie sur Renjo Desperado avec plein de trucs mythologiques aussi. Hein, par exemple, des tanuki par exemple. Ah, les tanuki. Tanuki, c'est une espèce de petit. Des grosses couilles, c'est ça. Des yokai. C'est quelque chose de petit qui a des grosses couilles. Et qui ont le. Raton laveur. Qui ont des pouvoirs. Qui ont le pouvoir de se déguiser en fait. Qui peuvent prendre l'apparence de ce qu'ils veulent. Ah, c'est un peu comme ce qu'il y a dans Seven Deadly Sins. Oui, je crois et là, notamment, le délire, c'est que c'est une espèce de, comme ça, de fratrie. C'est une fratrie de tanuki, en fait, qui ont fait un espèce de faux ryokan, donc une fausse auberge. Une fausse auberge. Avec une source chaude pour que les meufs viennent et se foutent à poil dans le bain. À ce moment-là, bam, ils chopent. Il est chaud, c'est-à-dire que c'est dégueulasse. Tout va bien. C'est ça. Bah, c'est des tanuki, hein. Ils sont pas. Ils sont pas safe, hein. Ils sont pas très safe. Ouais. Ils sont là pour la galéjade. Tu regardes au dos. Il y a une couverture alternative. Non, mais c'est les crayonnés. The Tosho couverture. Moi, j'adore ça, les crayonnés comme ça. Tu vois. Mais ça termine quand même le. La préparation de son dessin. Moi j'aime bien le. Ah, c'est sûr que moi j'ai vu des crayons. J'aime bien la légende sur la couverture, c'est regarde-moi dans les yeux. Oui. Moi j'ai vu des crayonnés de John Buscema. Je vous laisse deviner pourquoi. Regarde la quatrième, tu vas voir. Il y a une espèce de. D'araignée avec une espèce de tête bizarre, une espèce de chat. Tête de chat. Donc vous voyez, il y a des espèces d'araignées, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait partie de l'univers aussi du Renjo Desperado. On en est 3 tomes. Ils sont une espèce de monture. On en est 3 tomes sortis, je crois. Ouais, 3 tomes, un truc comme ça. Next. Merde, c'est le mois de mars, 4 tomes. YouTube. Yuna de la pension Yuragi. Yuragi. Ouais. Donc, si vous connaissez Lovina. Oui. Et pas Lovani. Même délire. Sauf que. Mais c'est chez Pika aussi. C'est chez Pika aussi. C'était chez Pika ? Non, c'était pas chez Pika. Si, c'est chez Pika. C'est pas chez Glénat plutôt ? Non, pas Glénat, merde. Là, donc c'est un peu le même délire que Lovina, sauf que là, c'est avec des. Non, c'est pas sorti encore à l'époque. Des médiums. En fait, le mec est un médium, donc il a des pouvoirs psychiques et il peut exorciser les fantômes. C'est effectivement Pika. C'est chez Pika ? Ok. Donc il a des pouvoirs psychiques, il peut exorciser les gens. Et donc Yuna, qui est sur la couverture, est un fantôme. Donc en fait, il est plus ou moins engagé dans une auberge ou dans une espèce de pensionnat. Dans une bonne auberge. La pension Yuragi. Ah, mais il y a Revan qui est passé sur le chat. Coucou Revan ! Trop tard. La bise. Oui. Donc c'est une pension où il y a forcément que des filles. Je sais pas, je dis trop tard. Et il doit exorciser donc cette Yuna, sauf qu'elle est super gentille et qu'elle est mignonne, donc il a pas trop envie de l'exorciser. Oh, je connais. Mais bon, je passe. Et il va se rendre compte petit à petit qu'en fait dans cette pension où il est, bah, toutes les filles qui sont dans la pension sont possédées. Aussi des. Non, mais il y en a une qui est une ninja, il y en a une qui est possédée par un dieu chat, il y en a une qui est en fait une ogre, il y en a une qui est une espèce de. D'esprit porte-bonheur, quelque chose comme ça, qui peut en fait influer sur ta chance ou ta malchance. D'accord. Voilà, à noter que c'est un pouvoir. Hein. Elles ont toutes des pouvoirs un peu particuliers. Mm-hmm. Et donc, c'est quand même de l'etchi. Faut quand même le souligner. Il y a des tétés, quoi. Il y a des plans culottes toutes les deux pages, quoi. Il y a des tétés. Il y a Revan qui fait plein de bises à tout le monde. Oh, Revan ! Elle l'a pas dit à tout le monde, elle a dit plein de bises. Bah, ouais, bah du coup, plein de bises. Sauf Gandalf. Ah. Et à moi, je parlais aussi. Ah non, c'est David qui dit ça. Je sais plus s'il y a une couverture alternative. C'est peut-être que. Il y a peut-être. T'inquiète, je vais regarder. Side boobs. Tu regardes les culottes. Side boobs, c'est-à-dire. Il est sur le côté. Il y a une télé qui dépasse. Une couverture alternative pour Toucheux. Oui, toi, tu vas regarder les culottes, hein. Les culottes. Je te connais. Non, on va pas enchaîner sur des culottes, on va faire un truc un peu plus soft. Je t'aime pas, j'aime pas te voir choisir dans le tote bag, c'est pas respectueux. Ouais, mais bref, en plus j'ai deux tote bags en plus. Je fais un tote bag et après je fais le deuxième. Ça tu connais, je pense, monsieur Albertoff. Oui. Moi quand je me réincarne un slime. Oui, j'ai vu passer ça. Peut-être que tu l'as vu passer sur Crunchyroll. Parce que l'anime est en cours. Ouais, je crois que je l'ai vu passer sur des trucs d'anime vaguement dans les propositions. Je sais plus. Je n'en ai pas parlé sinon plus que ça. Donc moi quand je me réincarne un slime, c'est de l'isekai. Donc c'est un mec qui meurt et qui est réincarné dans un monde parallèle d'Heroic Fantasy, basiquement. Okay. Et là il se trouve qu'il meurt poignardé tout connement et qu'il est réincarné en tant que slime. Oh mon dieu. Donc le truc tout pourri qui sert à rien. Karma de merde. Sauf que ce slime a une particularité, il a un pouvoir unique de prédateur. C'est que quoi ? Il a le pouvoir unique qui s'appelle prédateur, donc il peut bouffer n'importe quoi. Et en fait, il est très très puissant au final, ce slime. Mauvais karma, mais pas trop quand même. Mais finalement, pas tant. Pas si mauvais que ça quand même. Pas si mauvais que ça. Parce qu'il a des compétences uniques comme prédateur, il est insensible à la douleur, il est insensible au changement de température, le chaud, le froid, il s'en fout. Pratique. Il a pas besoin de. Donc en fait, il est complètement pété. Il est complètement pété. Donc ça va être toute l'intrigue autour de ce personnage slime qui va réussir en fait petit à petit à fédérer plusieurs races de monstres. en commençant par des gobelins. Il fait un syndicat, après ouais. Il porte des gilets jaunes. C'est ça. Non, ça s'appelle la CGT, KSR Généralisé du Travail. Il va commencer par des gobelins, puis après il va réussir à enrôler des loups tempêtes, ce qu'il appelle des loups tempêtes, cette espèce de loup avec des pouvoirs magiques très très puissants. En fait, c'est comme Okami, mais. Je sais pas, j'ai pas fini Okami. Okay. Ah ouais, mais t'as, tu vois, 80 heures de toi. Oui. Fini Okami. Beaucoup trop bavard comme jeu. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mon petit jeu, allez, vas-y. Fais-nous, épate-nous. Attends. Faire un truc. Mais ça, les choses. Tu fais très chef hein, quand même, en temps de côté. Hein. Hop. Mais ça un one shot. Waouh. Un truc. Ça me dit rien, ça, mon coco. Ça me dit quelque chose, ça a l'air joli comme tout ça. Avoir Summer Holiday. Donc là, on change de registre. Hein, t'en irais du gars, ça me dit. Donc c'est un one shot, donc une histoire finie en un seul tome. Donc c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Natsuru, qui a 11 ans, c'est la star de son collège, c'est un jeune espoir du football. Il se retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats de la, que lui offre la, jolie fille de la plus jolie fille de l'école. Seul, il fait la connaissance de Ryo, une fille de sa classe qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à petit se rapprocher, et Ryo va alors lui avouer un très lourd secret. C'est quoi le très lourd secret? Il est une grosse bite. Eh, je suis tombé sur lui. Je peux pas te le spoiler, parce que sinon... Ça fait quand même qu'un tome, donc je vais pas te dire quel est ce très lourd secret. Ah oui, quand même. Mais en fait, c'est... Voilà, donc comment... La très très grande, en fait, personnage. Elle est un peu... discriminé entre guillemets. Monsieur jamais levé comme ça. Beaucoup trop grande pour son âge. Voilà, et donc en fait le jeune homme va refuser, je sais plus trop pour quelle raison, d'aller en stage de foot pendant les vacances, un truc comme ça, et il va plutôt passer ses vacances avec elle. Ah, j'approuve, il y a une femme chatte avec joue. Ouais, c'est la demoiselle qui est possédée par un chat, donc dans Yuna de la pension du rêve. Donc c'est une très jolie histoire. Hein. C'est chez qui? Les seigneurs se battent, du coup. C'est Pika, je crois. Je sais plus. Tonkam. Delcourt. D'accord. Delcourt, c'est plus ce genre de truc. Delcourt, Tonkam. Je viens d'avoir une idée en main, et c'est vrai qu'on a le stéréotype du fantôme avec le personne qui a... Ah oui, avec le triangle, là. Le triangle, peut-être que c'est un fantôme. Ah oui, oui. C'est vrai que du coup... Du coup qui est Yuna, qui est un fantôme rattaché, en fait, au... à la pension, puisqu'a priori elle serait morte dans cette pension là, dans les bains chauds. Dans les bains chauds, quoi, elle est morte? Ouais, mais elle c'est pour ça que c'est un fantôme. Elle a perdu la mémoire, hein. Donc elle ne sait pas qui elle était. Ah, c'est couillon! Ah, bah c'est bête! C'est embêtant! C'est ballot! Ballot! Ah, alors qu'est-ce que tu sors là? Ouais, alors avant ce moment. Oh, mon petit coquin, mais t'es coquin toi, dis donc! Je suis canaillou. Canaillou! Je suis un canaillou. Petit câble. R0, Oui sur 20. Appelez-le comme vous voulez. Oui sur 20, c'est ça, non? Life in a different world from zero. Donc un autre isekai, donc encore une fois un jeune garçon qui se retrouve. C'est qu'il fait froid, c'est ça? Dans un monde isekai, ouais. Dans un monde d'heroic fantasy. Pas mal. Alors je sais plus comment il s'y retrouve lui. Est-ce qu'il meurt? J'attends du joli soufflé. Je vais mourir à la fin de la journée. Je sais plus s'il meurt ou pas lui. Vous êtes vraiment sûr pour la violence? Arrête, tu vas faire plaisir à David. Mais justement, là j'aurais vraiment envie de lui faire plaisir, tu vois. Oui, dans cette situation-là aussi. Hein. Continue. Moi, je suis pas à principe, tu sais. Donc, dans Re-Zero, Re-Zero, Re-Zero, je sais jamais comment ça s'appelle. C'est l'histoire donc de Subaru, un jeune homme qui se retrouve donc dans un monde de Rick Fantasy qui n'est pas du tout. Ouais, Subaru, forcément. Et dans lequel il va faire la rencontre d'une jeune fille. Je ne vais pas vous dire son nom, parce qu'au début, il y a un nom qui n'est pas forcément... Ok, ouais. C'est un mystère. C'est un peu un mystère. Et on l'apprend assez vite son vrai nom, il n'y a pas de souci. Et donc, il va tomber un petit peu amoureux de sa fille. Il va essayer de l'aider dans sa quête. Puisqu'il va être à la recherche d'une insigne... D'un samouraï qui sème le tour de sol, encore. Non, d'une insigne qui vient de lui être volée par une petite chapardeuse. Oh, la vilaine. Donc c'est Je reviens de Torontoire, il revient pour une intrigue assez complexe avec beaucoup de politique, de géopolitique dedans. C'est du light novel hein, à la base. Mmh. À la base, c'est du light novel. Ça a été adapté en animé avant de sortir en manga chez nous. J'ai vu ça, ouais. L'animé est disponible gratos sur Crunchyroll. Il fait 30... Ah ouais, 32 épisodes. Mmh. L'animé de Azoro qui est très très très très très bien, mais par contre l'histoire elle ne se finit pas en fait. On attendrait volontiers la suite. Ah d'accord. Et donc j'espère qu'en lisant les mangas, on ira plus loin que là où elle est allée l'animé. Genre moi tous ces mangas qui ont jamais eu la suite. Pour l'instant, ils en sont combien de tomes? Il y en aura combien de prévus? En fait, le truc qui est compliqué avec Azoro à suivre, c'est qu'il sépare arc. D'accord. Et à chaque arc, ils repartent à tome 1, tome 2. Non putain. Ce qui fait que si tu suis la série, ben en fait tu crois que t'as fini le truc. C'est pareil, il y avait les Sword Art Online, c'est pareil. Oui, voilà, comme les Sword Art, tu le sais au sous-titre. C'est ça. Comme les Sword Art Online. Non, les... Sword Art S.A.O. Les... Non, mais c'est bien où ça va dans. Mais question. Question, ça a combien de tomes pour le moment? Parce que ce genre de truc, en général, je regarde. En année, je crois qu'en année, au tome... C'est joli. 2 du 4ème arc. Wesh. Ah merde. Chaque arc, ça fait 3 tomes. Ça va. Tome 2 c'est du 4ème arc. C'est pas énorme, hein. On est à 10-11 tomes pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Et je sais plus si on est à l'arc 3 ou l'arc 4. Et au Japon, ils en sont beaucoup plus loin ou... J'en sais rien du tout. D'accord. Là, je peux pas te dire où ils en sont au Japon. D'accord. Puisque le manga est arrivé très tard en fait chez nous en France. Oui. Il est arrivé quasiment 2 ans après la diffusion de l'animé en France. Ah quand même. Ah oui, c'est rare. Tout ça pour dire que le meilleur manga c'est Ramps Player. Sachant que c'est adapté d'un light novel, donc un roman illustré jeunesse. Alors ado. Ils sont même vendus en arc en fait. Même oui, ils sont vendus en arc. Il y a 3ème arc qui est disponible. 3ème arc, du coup on est tome 2 du 3ème arc. Quelque chose comme ça. Tome 2 du 3ème arc. Voilà. C'est chez Ototo. Ototo, ouais. Ototo. Ouais, Ototo, en général, ce qui est adapté de light novel, c'est chez Ototo. C'est chez Ototo en général. Ils ont aussi le light novel. Ouais. Oui, je connais. Mais ça, c'est bien. Chez Ophelb. Ophelb, ouais. Mais ReZero, je crois pas qu'il y ait les. Ils sont pas tous sortis, non. Mais ça n'a rien à voir avec ReLife, je crois. Non, ok. Je vous ai pas trop expliqué non plus le principe d'intrigue aussi, c'est que en fait, dans ce nouveau monde, il a acquis un pouvoir. Mmh. Magique! Qui est très douloureux. Ouais. La gueule de bois. Non. C'est qui? Faire un podcast avec Gandalf. Non. C'est douloureux. Ça, c'est douloureux. Et supporter jusqu'à la fin. Et t'appelles ça un pouvoir? De le supporter jusqu'à la fin, c'est un pouvoir. C'est des graves responsabilités surtout. C'est des graves responsabilités. Cherche le nom. Voilà. C'est ce qu'il y a sur la couverture. C'est bon, j'en ai un deuxième. T'es sûr? De bon. Tiens, tape-le. Sur la couverture, il parle en fait du pouvoir qu'il a. Il dit la seule capacité que j'ai acquise dans cet autre monde, c'est de souffrir d'un priapisme. Non, c'est la mort réversible. Je meurs encore et encore pour la sauver. Ah. En gros, en fait, à chaque fois qu'il meurt, il revient à une sorte de checkpoint en gardant tous ses souvenirs. Attends. D'accord, donc c'est les mêmes mécanismes que les jeux vidéo. Voilà, sauf que les personnes qu'il a vues, ils les ont oubliées en fait. Donc il va re-rencontrer les personnes qu'il connaît, mais les personnes ne connaissent pas, puisqu'en fait. Et donc, il y a un reset. Ouais. Voilà, donc il y a un reset. Donc ça le fait de plus en plus souffrir en fait. Oui. Donc il va essayer d'avancer le plus possible sans se tuer. Au fur et à mesure, il va pouvoir avancer sur checkpoint en quelque sorte. D'accord, hein, c'est intéressant ça. Les ReZero, c'est. Ouais, c'est vraiment. Franchement, la série animée est vraiment top avec un très très bon générique. Très très bon. Ça manque de hentai, il y avait des gosses et des chiens. Le tote bag se vide. Ouais, le premier tote bag. Ah, je vais faire si on peut continuer. Écoute, c'est pas du hentai, mais c'est presque pareil. Je vois pas d'ici. Il y a des tentacules donc c'est bon. Monster Moustache. Elle a des tétés. C'est pas la pire. Hein, c'est... Ah, c'est pas la pire. Elle est dans la moyenne, mais il y a. Alors, est-ce que c'est pas la pire ou est-ce que c'est pas la mieux? Bah, la jugule. Il y en a une autre. Non, oh, qu'on est mieux. Les mecs, c'est bretonnant. Ouais, ça va être sale par contre. Ah, yes. Non, range le limonadier s'il te plaît. Je me rendais pas compte. C'est un instant de survie. Alors, Monster Moustache. Ouais. Pareil, c'était un truc très attendu en France, ouais. Une adaptation pareil d'un light novel. Ototo a fait beaucoup de communication quand c'est sorti. Ouais, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait la série, pareil, elle a été diffusée en France il y a quelques, il y a quelques temps déjà. Ok. Donc c'est l'histoire d'un garçon, donc je sais plus comment il s'appelle. Hein, Toshiba. Je sais plus parce qu'elle l'appelle toute Darling tout le temps en fait, ou Onei. Onei ou Darling, ça dépend. En fait, qui héberge des extraterrestres en fait. Il y a un programme d'échange interespèces qu'ils appellent ça. Programme Erasmus des extraterrestres. Voilà, c'est ça en fait. Et donc il accueille chez lui donc, la jeune fille qui s'appelle Mia et qui est une Lamia, donc une mi-femme, mi-serpent. Ah, d'accord. Et t'es pas des tentacules. Voilà. Et qui est des atouts quand même. Particuliers. Voilà, assez particuliers. Et donc, en fait, le délire, c'est que ce pauvre garçon, il va se retrouver tout le temps débordé par le truc et on va tout le temps... Oh bah, tu m'étonnes, ça déborde hein. Lui refourguer, des nouvelles filles. Donc, au début, il n'y a pas toujours les mêmes... Il en a de plus en plus, en fait. Au début, il a la fille serpent, mais tu vois, après, il a une harpie, donc une... D'accord, donc ça devient un truc harem. C'est un harem, c'est totalement un harem. Il a une harpie, il a une centauresse, donc une mi-femme, mi-cheval. Ensuite, il y a quoi qui arrive ? Un centaure, quoi. Il y a une sirène, il y a une slime, il y a une mi-femme, mi-araignée, une doularan, donc une... Il était mi-homme, mi-molette. Une... mi-ours, mi-sanglier et remi-ours. Les doularan, c'est les... pour l'image, c'est le cavalier sans tête. Donc c'est une personne qui a sa tête qui se découpe. Un nick quasi sans tête. Voilà, c'est quelqu'un qui peut détacher sa tête du reste de son corps. Ah, c'est vrai qu'il peut te faire des... Et donc il va y avoir plein de délires autour de ça. Et ça se finit tout le temps c'est intéressant, comme... des plans culottes et des plans plus ou moins... C'est un peu suggéré par la couverture. Oui. Voilà. Oh, bah faut dire que te les mets sur la gueule... Voilà, et puis sur le truc de couverture, il y a même les mensurations des jeunes filles. Oh, bah dis donc. Histoire d'aller... Qui veut faire un concours de bouse. Voilà. Ou une bonne nouvelle, c'est ce que tu cherches, quoi. C'est un classique carême, alors, on va dire. Ouais, mais c'est du tout public. Enfin, c'est du tout public, c'est pas du Non, non, c'est... C'est pas du moins 16. Je sais plus si c'est pas moins 16, hein. Non, c'est pas marqué, mais il y a quand même marqué pour public averti. Ah ouais. Ouais, c'est conseillé moins de ça. Donc ça va être vendu sous... Oui, c'est sous blister. Oui. C'est pas sous blister. Ah, enfin, moi j'ai commencé sur Amazon, mais ils sont pas sous blister en tout cas. Ah oui, Amazon, mais ils sont peut-être pas sous blister. Oui, ils sont pas sous blister. Ah, non, ils s'emmerdent pas. Hein. Les BD, si c'est sous blister, c'est sous blister. Les mecs s'emmerdent pas. Hein. C'est... Ouais, ça fait comme ça, il n'y a pas de tri, il n'y a que seule méthode d'édition. Ouais, c'est ça. Et donc pareil, l'anime. Les Yamatogawa, t'es gagné sous blister. Je sais plus qui était l'anime par contre. Je sais plus s'il était sorti de manière légale en France. Ouais, bon, si ça doit être du moins 16. Hein. Je me pose la question, est-ce que c'est du moins 16 Oui, non, il y a quand même des... Je jambe consentement ou pas? Des plans... jambes écartées... Lui, il est pas d'accord. Bon. Très subjectif. Ouais, c'est... Oui. Parce que on dira ce qu'on voudra, jambes en termes de détection de consentement. C'est quand même quelque chose. J'ai été fort ce genre. C'est normalement disponible chez Crunchyroll. Ah, c'est chez Crunchy. Ouais, mais okay. Je sais pas quand. Alors, qu'est-ce que tu vas dans le... Qu'est-ce ? Hop, là j'ai pris les totems parce que c'est une série en totems. Hein. Qu'est-ce que c'est ça ? No Control. No Control. Ça me dit rien. On est sur le climax. Là on est vraiment j'aime sur beaucoup. Du... Là on est vraiment sur du moins de 16, hein, je crois. D'accord. T'aimes beaucoup, oui. Les couvertures. J'avais précisé. Et quand c'est sale. Je sais même quand c'est sale. Oui, bien sûr. Donc No Control, vous connaissez Elfen Lied ? Hein ? Oula, de nom, oui. De nom. Mais c'est... Ouais. De quoi ? C'est même, même auteur. Ok. Autoreux. Elfen Lied. Autrice. Et une fille avec des cheveux roses qui s'appelle Mew. Ah oui. Comme le Pokémon ? Pas tout à fait. M-Y-U. C'est pas les Magical Girls, ça ? Ça ? Ah non, c'est non, pas... Non, pas ça, autre non, chose. Non. Je croyais, je c'était pas... Elfen Lied, c'était pas non plus du Magical Girl. Oui, non, c'était très... gore. Ouais. D'accord, je confonds avec autre chose. C'était très gore et très cul aussi, un petit peu quand même, un peu toujours à poil. Oh, si, okay. Et donc, No Control, c'est l'histoire de deux jeunes lycéens étudiants qui vont se retrouver à avoir un passage en fait. C'est-à-dire que la porte de la chambre du mec va mener vers la chambre de la fille en fait, alors qu'ils sont dans deux internats séparés. Si c'est pas malheureux, voilà. Si c'est pas malheureux. Parce que un des deux a fait ce vœu-là en fait, mais il l'a fait au dieu de la contrepartie, et donc en fait, pour pouvoir avoir cet accès entre les deux chambres, le dieu de la contrepartie, il va réclamer le self-control de la jeune fille qu'il y a sur la couverture, sur les deux couvertures. C'est-à-dire qu'une heure par jour, tous les jours, la jeune fille perd tout self-control. Ah, c'est bon ça. C'est pas. Et c'est pas bon. Et quand un perd son set contrôle, en fait, elle est une grosse nymphomane. Ah, c'est bizarre ça. Évidemment. Ah, c'est bizarre ça. C'était pas du tout prévisible. Je ne le sentais pas venir. C'est ça. Voilà, donc. Alors, visiblement, il s'est pas mangé les glaces. C'est ça. Ah, oui, la vie, la vie de ces deux jeunes, étudiants qui se connaissent parce qu'ils étaient des amis d'enfance, qui vont essayer de faire en sorte de pas trop dévoiler cette espèce de secret. Ah bah non, on va le garder, il va le garder pour lui, tu penses? Oui. Mais c'est sûr que je ressens les battements de ton cœur. Oui, il va le garder pour lui, oui. Hop. Et donc c'est dessiné par, dessiné ou scénarisé, je sais plus, c'est le même auteur, même auteur, me semble-t-il même. Qu'Elfenlied. Que Elfenlied. Lied. J'avais pas lu, mais j'ai entendu peut-être. Ah oui, c'est un peu chaud ton truc là. J'en suis au tome 7. Le mec il est toujours dans des quiproquos avec les harpies et tout, le mec il est chaud. Hein. Oui. Mais c'est-à-dire que. Dans les harpies elle est chaude. Hein. Ouais, je sais pas. Dans Monster Musume, plus l'intrigue en face, plus ça incite au cul en fait, puisque au bout d'un moment en fait il. Ça déborde. Ouais, il doit être le premier. En fait, le test. D'un mariage entre humain et alien. Hey, c'est malheureux, il y a toujours des gestes déplacés ou des gestes donc malheureux. Donc il faut essayer de se battre plus ou moins pour essayer de se taper. Alors okay. qu'il a pas, c'est interdit. Les relations inter-espèces sont interdites. Question, si tu te tapes un centaure, est-ce que t'es quand même un petit peu gentil monsieur? Ah, c'est. Voilà, c'est ta question aussi. Ah, Jean-Jean est d'accord avec moi. Je pense qu'on peut le valider, ouais. Est-ce que t'es l'étalon de service? Et autant vous dire que quand il est enroulé par la meuf serpent, bah il a pas trop son mot à dire parce qu'il est un peu bloqué, monsieur. Ah, j'en bloqué. Bon, hein. Oh, Aurel-san. Aurel-san et Greg. Bloqué avec Aurel-san. Bloqué. Ah oui, ça, c'est sorti, encore, ça. Chez, encore chez Ototo, No Game No Life. Ça, j'ai entendu le nom. Peut-être que vous avez vu l'anime ouais. Également. Non, mais deux noms, ouais. Donc ça c'est pareil, c'est un animé qui est sorti il y a très longtemps, qui est dispo chez ADN. Il n'y a pas trop, si y a pas trop de... C'est 24 épisodes, je crois. Un truc comme ça. Il y a 4 ou 5 tomes, je crois. Hein. Pour l'instant de sortie? Ouais. Il n'y en a que. Ah d'accord. Bon. Que le tome de sortie pour l'instant. Je crois qu'il y a alors j'ai raté la suite, hein. Je sais pas. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, donc No Game No Life, de l'Isekai. Donc cette fois, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il reçoit une invitation, donc c'est l'histoire de, alors comment il s'appelle déjà? Ah oui, Sora, le garçon s'appelle Sora et sa petite sœur s'appelle Shiro. Mm-hmm. Et donc en fait, à eux deux, ils forment... Le duo magique. L'espèce de duo magique. Donc ils ont leur pseudonyme en fait c'est rien, c'est un vide en fait. Donc ils l'appellent Blank en fait, parce que c'est un espace vide. Mm-hmm. Et donc à eux deux, ils forment le duo, enfin l'avatar dans tous les jeux vidéo le plus fort du monde quoi. Personne n'a jamais réussi à les battre à n'importe quel jeu en fait. C'est un peu les japonais dans Street Fighter. Ils sont beaucoup trop forts et en fait ils sont deux à gérer le compte derrière. Une question. Faut voir. Ils vont recevoir une invitation à faire une partie d'échecs qu'ils vont gagner et donc la personne qui leur avait envoyé l'invitation va leur dire est-ce que vous trouvez pas que ce monde est mal foutu, est-ce que vous voudrez pas me rejoindre dans mon monde. Il se trouve que c'était une sorte de dieu dans notre monde qui va les inviter dans ce nouveau monde où No Game No Life, où en fait tout se règle par le jeu, tous les conflits se règlent par le jeu. T'as un problème avec une personne, et bien tu vas faire je sais pas, une partie d'échecs. C'est bagarre. En précisant les règles du jeu, et à la fin, celui qui a gagné, bah, il gagne le conflit. Ah oui, quand même, l'anime est ultra coloré. C'est très très. J'ai dû voir un épisode de ça. Et ils sont peut-être sur Netflix maintenant. C'est ça. Ah, peut-être. Parce que moi, ça me parlait, ouais. Je me suis dit, c'est bizarre. Ils sont sur. Que je sois au diapason avec Aston. Ouais, ils sont sur ADN, mais je crois depuis, ils ont été mis sur Netflix depuis assez peu. Eh bien, on va vérifier ça immédiatement. En effet, dans Contrôle, c'est chaud. Oui, ah bah oui, il y a quelques fellations même. Vous n'avez pas reconnu le film. Oh, il n'y a pas que. C'est bien sur Netflix. Ouais, c'est sûr. Donc, ça, j'ai vu. C'est, je te confirme. Ouais, tu as l'impression de voir des Yu-Gi-Oh! Mais avec des jeux différents chaque fois. C'est ça. Il n'y a qu'une saison sur Netflix. Ouais, il n'y en a pas plus en fait. Il y a un film. No Game No Life 0 qui doit sortir dans pas très très longtemps, je crois. D'accord. Bah, oui, c'est vrai que l'histoire n'est pas du tout finie du coup, dans l'anime. Donc, à voir pareil dans le manga jusqu'où ils vont aller. pour si essayer de... Puisqu'en fait, dans ce monde où ils sont réincarnés, les humains sont la race la plus faible, entre guillemets. Ils sont fait voler toute leur terre au jeu, par des jeux de guerre. D'accord. Donc eux, ils vont essayer de reconquérir un peu cet univers. Ok. Et Ototo aussi. Chez Ototo également. C'est une maison qui sort des purs trucs. Hein. Ototo, ouais. Sur le marché, c'est les plus actifs et quand même une vraie actu qui... Parce que les Pika, tout ça, il sait le pourquoi. On va finir par ça. On va partir là-dessus. Je l'ai vu hier. Tu me fais plaisir, mon coco. C'est encore un bouquin très très joli. Le dessin est très joli, ouais. Ouais. Et alors, je vais reposer la question fatidique quand je vois un bon bouquin comme ça, le prix. Non, c'est pas cher. Franchement, c'est 10 euros, je crois. Ouais, 10 euros, je crois. Ils ont fait un vrai forcément. Oui, je l'ai vu passer. C'est pas très cher. Quand tu vois le travail de l'édition qu'il y a dessus, 10 balles. Sur des couvertures, similicuir. J'abandonnerai le minimalisme et je retomberai dans mon péché de collectionner des livres uniquement pour ce genre de truc, pour leur aspect visuel, pour la beauté de l'objet. Donc il s'agit des montagnes hallucinées. Oui, c'est vrai. Tome 1. Donc une adaptation par Gou Tanabe. Donc une adaptation d'une œuvre de Lovecraft. Dont on a parlé longuement. Donc voilà, c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft adaptés en manga. On conclut que ça ne sera pas les seuls normalement. On en conclut que ça ne sera pas les seuls. A priori, Les Montagnes Hallucinées sera fini en 2 tomes. Oui, c'est 2 tomes. D'après ce que j'ai entendu, il y aura 4 tomes sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc ça laisse à penser qu'il y aura au moins une deuxième histoire. Peut-être un recueil sur Cthulhu. C'est ça. Enfin, je ne connais pas du tout après les univers. Les Montagnes Hallucinées, c'est ce qui se lit mieux. Hallucinées, moi je connais surtout les faux raccords. Ouais, pas mal. Voilà. Oui, Michel. Ouais, bois pour oublier. Bonjour Michel. Donc les montagnes hallucinées, c'est l'histoire d'une expédition qui part en Antarctique. Où ils vont découvrir des choses assez surnaturelles. Ouais. Il y a un détachement en fait d'expédition qui va partir un peu en avance et qui va découvrir des trucs un peu surnaturels et qui vont avoir tout juste le temps d'envoyer un dernier signal à l'équipe qui est restée à la base pour les prévenir qu'il y avait un truc bizarre. Et en fait, quand la deuxième équipe qui était restée à la base arrive, tout le monde est mort. Ah. Tout le monde est charcuté, déchiqueté, dépecé. Sauf que c'est John Carpenter. Il y avait tout. Les loups, ils sont pendus, dépecés, c'est vraiment gore, ignoble et atroce. Et donc voilà, le tome commence comme ça. Et donc après tout le reste du tome, ça va être l'histoire qui s'est passée jusqu'à en arriver là. Et on verra dans le tome 2 qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est pour du manga, c'est quand même le dessin qui est un peu épais. Ouais. Le dessin est assez épais. Non. Mais on n'est pas sur des courses très dynamiques pour le coup. Ouais, mais c'est assez classique. Ouais, c'est quelque chose d'assez classique. Il n'y a mais pas des ça, personnages qui sortent un peu des pas. Cases ou des. Mais c'est très peu de pleines pages. Le bouquin lui-même. Par contre, l'ouvrage, le bouquin lui-même, effectivement, il est. Un bel objet. Moi je l'ai pas. J'ai failli le prendre pour l'objet. Je trouve les dessins de jeu. Et c'est chez Kiyun. Et les dessins sont assez occidentaux en fait et assez réalistes. On s'approche du dessin de Taniguchi. Ouais, il y a un petit peu de ça. Taniguchi, c'est tellement bien. J'ai pas pris, je crois que j'ai pas pris. Non. J'ai commencé à lire du Taniguchi, j'ai lu Cartier. Ouais, c'est assez chouette. Moi j'ai lu le Rêverie du Gourmet Solitaire et le Gourmet Solitaire. Ouais. Ah, celui qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Non, le Gourmet Solitaire il est sorti très longtemps. Non, mais ils l'ont réédité avec les deux en fait. Les deux séparés. D'accord. Et c'est vraiment très très joli. Hein, ouais. J'ai lu Quartier lointain très récemment. Paraît qu'il est très fort. Il faut lire, je crois que c'est Venise. Alors je suis pas fan des gros plans de visage. Il est magnifique à voir celui-là. Les gros. Après, le visage de fin. À noter que Taniguchi a été adapté déjà aussi. Adhéré au dessin. C'est plus le côté. C'est un film français, ça a été complètement détourné, mais c'est un peu bizarre. C'est du très beau boulot le dessin, mais c'est pas forcément un style qui. C'est pareil, c'est un style qui me parle moins, mais c'est beau. Je suis moins fan aussi du côté ultra réaliste. Vraiment détaillé, ouais. Il y a des plans qui. split de personnages de face, par exemple, ça marche pas. Ouais, mais au niveau des, justement, au niveau des visages, je suis pas très fan. Ouais. De, les expressions, c'est comme ça qui. Oui. À noter que j'ai toujours pas acheté le dernier parce que bah je sais pas. Putain, lis-le et relis-le après. Relis les. Les carnets au début là. Du chien. Oui, surtout quand tu sais comment elle finit. Bah... Elle est pas spoilée tout de suite. Non, l'autrice elle est décédée. C'est juste que l'histoire est finie en 4 tomes et que l'autrice est décédée. Juste après. D'accord. Donc t'as que. Karoshi, non, même plus. Non, c'était. Je sais plus si c'était Karoshi ou pas. Mais et en fait, quand tu lis les petites notes de début, je crois que c'est le tome 3 où Indica va très très mal et qu'elle est malade. D'accord. Et après tu lis le tome 4, tu lis le manga et tu apprends quand c'était mort. Elle l'a fini sachant qu'elle allait mourir ou Non, elle est décédée. C'était prévu avant qu'elle fasse 4 tomes. Non, son manga était vraiment fini. D'accord. Parce qu'elle avait recommencé autre chose, je crois. Non. Elle avait recommencé autre chose, je crois. Je sais plus exactement. Non, je crois qu'elle avait. Donc c'est dernière arc. C'est presque pourtant. De You. You qui a dessiné. Elle a dessiné les Your Name ou les. Non, les enfants loups. Merci, les enfants loups. Présenté par lui. C'est juste une. C'est bizarre comme. Ouais, c'est un peu bizarre quand on dit. Ouais, c'est figurant aussi. C'est pour pas dire. Donc c'est de You, donc c'est elle qui a dessiné l'adaptation en manga des enfants loups. D'accord. Qui est chouette. Donc le film de Mamoru. Je l'ai pas vu celui-là encore. Là, c'est une bonne adaptation. Donc dernière arc, c'est l'histoire d'une. En fait, on vit l'histoire d'une île sur laquelle il reste peu de monde en fait. Ouais. Il reste quasiment que des. Des enfants, des jeunes, ils sont primaires, quoi. Et en fait, la dernière heure, c'est l'heure du vendredi après-midi, en gros, où il y a certaines des personnes, enfin, deux personnes de leur classe qui est désignée pour aller sur le continent. Et en fait, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe sur le continent. A priori, il y a des attaques, il y a une attaque alien et tout le monde est mort. Et en fait, les seuls survivants... Ignorés du reste, c'est stylé. Ouais, les seules personnes vivantes. Ça les impacte moins, Restantes, c'est les personnes qui sont sur cette île. Et donc, on les appelle, c'est une sorte d'appel aux armes, on les appelle pour aller se battre pendant une heure. Ouais, ils vont sur le front. Et après, ils reviennent. J'ai plus ou moins en bonne santé. S'ils reviennent, ça me fera tellement. Voilà. Mais voilà, j'ai tout rushé aussi. Je les ai pas lus, mais elle les a déjà. C'est superbe. La fin m'a beaucoup déçu quand même. La fin, ça mérite d'être relu parce que j'ai pas tout compris. Et c'est vrai que comparé aux 3 tomes où tu as une. Où c'est tellement bien construit, tu vois le 4, tu comprends pas. Et du coup, ça te retombe un peu. C'est peut-être. C'est pour ça que je vous demandais s'il avait pas été obligé de rusher quoi. Non, de mémoire, non, elle avait fini. De mémoire, non. C'était fini après, elle a décédé, mais je pense elle est décédée quelques mois, deux ou trois mois après. Mais ça a peut-être joué. Peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle savait que. Je pense que c'est vraiment un manga où tu lis une première fois la fin. Et tu relis après, vraiment tout appréhender. C'est ça, mais c'est superbe, franchement. Ouais, c'est très joli. Après. Les dessins, c'est très enfant. Les pages couleurs sont chouettes. Ouais, les pages couleurs, c'est magnifique. J'aime beaucoup les pages couleurs dans les mangas. Moi. Les couvertures, elles sont toutes à tomber. Pour revenir sur les pages couleurs, quand c'est sur du beau papier et pas sur du papier glacé, c'est encore plus agréable. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le papier glacé, là. J'adore le découpage de ce manga au niveau de la mise en scène, les dessins, les fonds sont toujours hyper détaillés, il y a très peu de cases et beaucoup de gros plans. Et quand il y a des fonds, ils sont chouettes. Ouais, c'est vraiment superbe pour le coup. On a perdu quelqu'un de... Ah non, mais moi j'ai adoré. Et du coup, par exemple, quand c'est le dernier manga où j'ai investi en fait, vraiment. On les voit revenir, c'est on sait clair, pas ouais. Ce qui s'est passé. Ouais, non, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. On reste sur l'île. Elle avait un talent. Ouais, nous on reste sur l'île. T'as tout lu ? Ouais, j'ai lu les 4. Oh, t'as tout lu, ouais. J'ai oublié d'acheter le 4. Bah, achète-le. Et tu recommences après pour comprendre. Je suis déjà trop à la bourre alors. Je sais. Mais là, il y a 4 tomes. Donc, c'est chez Akata. Chez Akata ? Ouais, chez Akata. Je suis certaine. J'ai quasiment que du Akata en manga. Akata, c'est vrai qu'ils ont une proposition éditoriale. Ouais, j'ai ça chez Akata, mais ça je le garde pour la fin. C'est les What the Fuck chez Akata aussi. Ouais. Ça ils peuvent en faire du what the fuck. Mais, moi, mais les what the fuck, c'est ce que je préfère le plus. Mais moi, c'est pour ça que je garde le what the fuck de chez Akata pour la fin. Mais moi, c'est plutôt la collection émotion. En fait, je vais te sortir un what the fuck de chez Akata. Ah oh, putain, voilà. Ça faisait partie de la collection. J'en suis au 5. Tu veux ? C'est tout dernier. Il me faut que je lise ce truc. J'en suis au 5 aussi. On voit la vidéo de je vais investir, je vais l'acheter. Ça va être affreux. À ce qu'il paraît, c'est vachement bien, mais c'est pas mon. C'est pas ton kiff? Mais je vois tout le monde en parler sur les réseaux, c'est un truc. Je crois que c'est Azertov qui a lu le tome 1 et qu'il a pas accroché non plus. C'est pas mon. C'est ça qui va faire. C'est pas un anime, ça aussi. Ça va arriver, ça va arriver sur Wakanim. C'est Wakanim? Ouais, c'est chez Wakanim, donc The Promise des Barlins. T'avais pas aimé tout ça, c'est ça? C'est gentil, merci. T'as pas accroché au tome 1, c'est ça? Sur The Promise des Barlins. Pas déjà, le premier c'est Louis qui l'a donné. Ouais. Et, ah bah voilà, il se passe de main en main. Ça me va. Moi j'ai adoré, moi j'ai vraiment aimé. Je trouve que ça traîne en longueur, mais c'est vache. Je trouve ça super. Mais c'est ça qui est bien. Et c'est super. Quelqu'un m'avait dit, ça ressemble un peu à Death Note, et quelque part il y a un côté Death Note. Il y a un côté thriller. Ouais, non, mais c'est le côté super planifié, réfléchi, machin, qui sont là. Tu fais faire ça parce que tu vas anticiper ça. C'est le côté vraiment thriller psychologique du truc. J'ai entre les enfants et. Ah oui, c'est l'auteur français qui a fait celle-là. Benjamin Lacombe. Explique, pitch-le. Donc pour le pitch de The Promised Neverland, donc c'est l'histoire d'un orphelinat qui s'appelle Gracefield House, dans lequel il y a plein de d'enfants, dont Emma, Norman et Ray, qui sont les plus grands entre guillemets. Il y a pas l'histoire de celle qui s'occupe de tout le monde. Et non, il y a Isabella, donc qui s'appelle maman. Ah oui, maman. Mais si, putain, mais je l'ai vu ça. Et qui est. L'anime n'est pas sorti. L'anime sort à partir de la prochaine saison là, donc janvier. Ah, ça se passe dans un orphelinat dont ils sont jamais sortis. Je me suis pas arrêté sur les mangas. T'as peut-être vu un trailer, hein. Ouais. Les trailers sont peut-être sortis. Kings. Pardon, excuse-moi, toi. Et donc, en fait, ils sont bien dans leur orphelinat. On est bien. Ils ont des journées qui sont ultra planifiées, ils font tout le temps la même chose tous les jours. Le matin, ils font. Ils ont des espèces de concours à faire récemment, des tests de l'armée. Ouais. Sur lesquels ils sont notés, mais voilà. Ils s'en foutent, ils ont 300 sur 300 tous les jours. Pas tous, mais les héros principaux. Les trois persos principaux, ils sont au taquet, ils ont 100% de bonnes réponses. L'après-midi, ils font des jeux, ils jouent à chat, ils jouent à trap. Voilà, il y a une grande forêt autour de la forêt dans laquelle ils jouent. Grande prairie, grande forêt et tout. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a un petit souci. Il y a une petite fille, j'ai oublié son nom, qui va se faire adopter. Donc, il va avoir des nouveaux parents. Donc, en toute logique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quitter l'orphelinat. Sauf que quand elle va quitter l'orphelinat, elle va oublier sa peluche, son ours. Alors, les deux grands, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, les deux grands, c'est Emma et Norman, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu, putain, elle vient de partir il y a 2 minutes. Il récupère le nounours et il court vers le portail pour essayer de lui rendre son nounours avant qu'un s'en aille. Et là, ils vont découvrir un petit peu la vérité derrière Gracefield House. Ils vont retrouver la petite fille morte à l'arrière d'un camion. Émile Louis. Joli. C'était un bus. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. Je vais vous laisser. On s'aperçoit seulement que la maman est au courant de tout ça. Voilà. C'est ça. Et que leur maman. Elle a des choses à cacher. Complice a priori de tout ça. Je crois qu'il y a une notion d'âge aussi dans l'orphelinat, c'est-à-dire. Ils ont. De ce que j'ai entendu, c'est que. C'est pas forcément indispensable de connaître au départ, mais voilà, oui. C'est pas forcément. Ils sont pas âgés très vieux en général. C'est des enfants. C'est des enfants. Ouais, mais ils restent pas au-delà d'un certain âge. Ah, sacré Michael Jackson. Les plus vieux, ils ont 12 ans. 13 ans, je crois. 12 ans. C'est 12, oui. Ah, bah, heureux que dans du 12 ans. Ah, bah. Donc voilà, c'est du thriller psychologique. C'est sûr pour le dire aux gens. Ah non, je le running gag de cet épisode. Un coup de calcio, s'il vous plaît. Comme c'est des gamins très intelligents, ils vont surtout essayer de s'en sortir. Et le tome 1, il y a une jaquette réversible. Il y a beaucoup de mind game. D'où le côté Death Note. Death Note, vous êtes surestimé. Pour revenir sur ce que dit Musica, qu'il y a une jaquette réversible faite par un Français, c'est parce que. C'est une collaboration, c'est chez Kazé. Chez Kazé, ils ont fait un. C'est très moche. Oh la mâche. C'est un cover, je crois. Non, c'est spécial. Le dessinateur est très très spécial qu'ils ont. En fait, chaque manga, un petit peu, ont des jaquettes faites par des Français pour essayer de relancer, enfin de porter un nouveau visage avec des auteurs français. On a vu. C'est pas porté par ça qu'ils vont y arriver. Honnêtement, elle est moche. La Combe, ça plaît pas à tout le monde. Ça me plaît pas. Alors que moi, je suis. Moi, il y a certaines choses de La Combe. Alors, dans ce style-là, j'aime pas trop. Mais dans le style des. Edgar Allan Poe, Ah oui, c'est bon. Il y a le tome de questions d'ailleurs. Bah, j'aime mieux parce que c'est plus sombre, c'est moins. C'est ça. Et il y a quel manga était. La cover a été refaite par Sobral. C'était Black Clover. Black Clover. Ah oui, peut-être. Et il y avait eu. Fire Force, c'était par Tarkin. Donc voilà, ils ont essayé de prendre des... Ah, t'as vu, c'est qui le roi de la télé, hein. Je trouve l'idée pas con d'avoir fait ça. Après, c'est les dessins, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre truc. Ouais, mais Tarkin et Sombra, c'est plus accessible mais que en France. Voilà, la combe, c'est pas très accessible. Mais en France, le manga marche super bien et justement, ils ont pas eu besoin en fait du côté. Le manga marche très bien en France et au Japon, c'est le plus gros carton qu'il y ait jamais eu. C'est au-delà de One Piece et compagnie. C'est au-delà de One Piece, Naruto. C'est vrai, comme ça ? Ouais, ça a démarré du feu de Dieu. C'est une folie. Donc on se prépare pour 575 000 euros. Pas forcément. 1812 épisodes. Ben, disons que vu le concept, je me demande jusqu'où ils vont pour rallonger la chose. Pourront pas le rallonger ou alors il va falloir que. Bah, il y avait une équipe, je rigole. Il va se ressusciter les gens. Un twist quand ils auront fini. Tu regardes Death Note, il y a eu. Ouais. Death Note, il n'y a pas grand chose. Et je crois en fait. Il y en a 12 et encore il y a. Et t'as la moitié qui a été rallongée. Ouais, pas pour l'animé. Mais non, je crois que c'était juste l'animé qui avait été rajouté. C'est l'histoire originelle, normalement ça devait s'arrêter avec N, et ensuite il y a eu N et c'est pourri. Tu sens que ça a été un truc. Ouais. Moi je me serais arrêté à elle. Mais ça devait s'arrêter. Tiens, c'est bizarre, on dirait que tu racontes. Je me suis arrêté à elle. Et c'est moins bien. Ouais, c'est moins bien, sauf la fin. La fin est très très très bien. Bon, ceci dit, alors que Dexter, la fin, elle est très très pourrie. Elle est trop verbeux. Beaucoup trop verbeux. Ah, oui, c'est vrai que grosse comme ça. Je suis désolé. Je sais que tu sais. Mais j'aime bien moi. J'aime bien. Un tome de Death Note, c'est épais comme ça. Oui, c'est pas. Tu mets deux heures à le lire, le bordel. Non, je sais bien. Et moi, c'est justement ce que j'ai adoré dans Death Note, c'est que justement, t'en as pour ton argent, quoi. Il y a à bouffer dedans, quoi. Bah, tu peux y aller sur Promo Innovant. Que soit. Non, je. C'est validé. Si tu veux le ramener, sinon, je viendrai dans le train. Voilà. Je les ai. Aussi, oui, ça m'intéresse aussi. Dans ces trucs avec un très victorien. Ouais, on regarde d'ailleurs parce que. Les derniers temps, en fait. Ah, les derniers temps. Parce qu'ils sont pas sûrs. Oh, mais c'est bon ça après la pluie. Parce qu'il est barré, c'est du bon ça. Ah, tu les as sur ton. Oh oui, on m'en a tellement vendu du rêve de ça. Oh putain. C'est pas chaque acte. À moins que j'ai reboot. C'est Big Cana. Tu me l'as demandé. Mais la collection Big Cana, elle est assez intéressante. C'est vendu comme Seinen. Je me lève parce que chez Big Cana, il y a qui ? Il y a Sado. Faut. Le fan de Bonnie Poon Poon, j'ai pas apprécié plus que ça. Faut aimer l'univers d'Asano. C'est vrai que quand tu manges du caca, c'est la fille de la plage, c'est ça. Voilà. Après la pluie, donc qui est vendu comme étant un seinen, mais qui quand même tire un petit peu sur le shoujo, donc le manga plus pour jeunes filles. Shoujo. C'est de l'anime. Ouais, où on le voit avec des grands yeux, une jeune fille avec des grands yeux. Enfin ouais. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très très forte en athlétisme et qui fait partie de son club d'athlétisme et qui est la meilleure. Ça, c'est très forte en athlétisme, mais elle a pas grand chose. Elle se pète la cheville et donc elle peut plus du tout faire d'athlétisme. En fait, elle va à la place de faire de l'athlétisme, elle va être serveuse dans un restaurant familial qui s'appelle des restaurants familiaux au Japon. C'est une espèce de cafétéria, un peu, enfin pas vraiment cafétéria, mais un peu bistrot. Ouais, un peu bistrot, un truc comme ça. Et où elle va en fait tomber amoureuse de son patron, sauf que elle a 16 ans et son patron il a 45 ans. C'est très japonais ça. Ouais. C'est très japonais. Ah, les différences d'âge, c'est surtout. Moi je dis à 2 ans que ça passe. À 2 ans que. Et on le voit sur la couverture. Au Japon, c'est un petit peu plus. Il a toujours une gueule de mec blasé. C'est un mec divorcé en fait. Il a un petit garçon qui a 9-10 ans. Il a tout étouffé. Ouais, il vit tout seul et. Il est juste blasé de la vie, lui, il est juste coulé sa vie en étant patron de son resto, et puis voilà, il le gère même pas comme il faut à moitié, ils sont toujours la sous-chef qui est tout le temps en train de se plaindre, limite dépressif, ouais. Mais voilà, c'est un mec qui un peu jouant footiste, quoi. Il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie, il s'en fout. Il vit sa vie négrette. Ouais, il vit des hauts, il vit des bas, surtout il vit sa vie négrette. Et donc, cette jeune fille qui va tomber amoureuse de lui, on sait pas trop pourquoi, mais... Dans la montre, si ça se commandait, on saurait. Encore une fois, c'est très japonais. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est. En même temps, un croisement entre la figure paternelle. Oui, c'est ça. Ouais. Et le respect des aînés, l'attirance vers le pouvoir. Parce que quand t'es patron. Oui, t'as du pouvoir. Dessus, ouais. C'est vrai, mais c'est vrai. T'es placé un peu haut dans l'échelle sociale. Cana, je pense que c'est ça. C'est chez Big Cana, ouais. Et c'est terminé au Japon en 10 tomes, mais on en est au 7ème. Exactement. J'avais vu que la série elle était terminée. Mais je savais même pas que la série c'est très court. Hein. En général, c'est un des premiers trucs que je regarde avant d'acheter les mangas. Les tomes sont très très courts, ça se lit super vite. Et il faut arriver quand même à passer outre le fait que ce soit dessiné un petit peu shoujo. Il faut savoir apprécier le bordel. Le verre aux yeux. Avec des gros yeux. Avec des gros yeux. Des grands yeux. Ouais, des grands yeux noirs. C'est bien fait, c'est pas non plus extrême. Non, c'est bien dessiné, c'est bien fait. Et l'histoire est pas cucu, quoi. C'est pas un truc vraiment. Ouais, c'est pas le truc gnangnang à deux balles. Mais les mangas, c'est ça. Je suis totalement amoureuse de lui. Mais les mangas, c'est les seuls trucs que je peux lire avec des histoires d'amour, vraiment, où c'est axé sur ça. Sinon, j'essaie de réfléchir des comics ou des BD où ça parle vraiment d'amour. J'en connais très peu, quoi. À part les BD, peut-être un peu de Jim. Oui. Mais c'est du indé quoi, il y a ouais, ça, ouais. Mais j'aime bien tes dernières sélections. Celui-là, je te fais des bisous et d'amour. Je l'ai en plus. Je te fais des bisous d'amour. C'est très joli. Je t'envoie tout mon amour. La couverture est magnifique. Oui, mais ça, je l'ai. Tu pourras Elle faisait quoi avant? Très bien. Bon, par contre, c'est pas fini. Silent Voice. Oui, Silent Voice. Voilà, ça aussi, j'ai le début. Merci, Musica. Je t'en prie. Les frissons. Rien qu'à dire Silent Voice. Attends. Les petits frissons. Donc, je suis calé. To Your Eternity, même auteur que Silent Voice, exactement. Si vous n'avez pas lu Silent Voice. C'est de la dentelle. Jetez-vous sur Silent Voice. Et c'est de la dentelle. Je finis ça. Sinon, essayez de voir le film qui est sorti cette année. Non, le film, on dit le film qui est sorti cette année. Le film sur le cyclisme. Ouais. Ce n'est pas un film sur le cyclisme. Je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai pas encore vu. Silent Voice qui parlait du handicap avec une jeune fille qui était sourde, enfin qui était malentendante. Tout à fait. Et donc, To Your Eternity, où on est sur une histoire qui est émotionnellement extrêmement dure à vivre. Je trouve ça. Chaque tome, c'est vraiment une épreuve. Ça, c'est les tomes qui sont fous, parce qu'en fait, on suit l'histoire de. T'as pas lu plus tôt, toi. D'une espèce d'entité extraterrestre au début. Ouais. Qui prend l'apparence un peu de ce qu'il touche. Oui. Donc au début, il touche un caillou. Au début, page 1, tu vois, c'est une espèce de bille. Qui va toucher un caillou, il prend l'apparence d'un. C'est un caillou. Ouais. Donc il peut rien faire. Puis il y a un loup qui va arriver. Ah, j'avais lu. Puis il va prendre l'apparence de ce loup. Enfin, le loup meurt en fait sur le caillou ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça se déroule. Et il prend l'apparence du loup dans l'état où il est. Dans l'état où il est. C'est-à-dire à moitié mourant, quoi. À moitié mourant. Il va arriver à rejoindre le propriétaire, entre guillemets, de ce loup. Qui est tout seul dans un village au milieu d'une espèce de grande étendue de glace. Il y a beaucoup de descente. Ce jeune homme meurt de froid, de faim. Il va prendre l'apparence de ce jeune homme. Mais il va garder en mémoire aussi l'apparence du loup. Il pourra à tout moment se retransformer en loup ou en jeune homme. Et donc, à partir de ce moment, il va avoir plutôt une apparence. En sa mémoire, il va avoir une apparence humaine, donc il va pouvoir garder cette apparence pour commencer à faire à se sociabiliser, à avoir une vraie vie. Le problème de ce truc qui est émotionnellement très dur, c'est qu'à chaque tome, ou tous les deux tomes en gros, les arcs c'est par deux tomes à peu près. Mais t'as pas lu plutôt Fragile ? Il va rencontrer des nouvelles personnes, puis il va arriver des problèmes, oh non. Et ces personnes meurent. Donc il va pouvoir prendre l'apparence de ces personnes. Et puis il va du coup voyager, rencontrer de nouvelles personnes, avoir des aventures avec ces personnes, puis ces personnes vont mourir. Et tous les tomes, ou tous les deux tomes, t'as des gens qui meurent. Donc à chaque tome, tu apprends à connaître des personnages, tu t'attaches à eux, paf, ils meurent. Mais là c'est fait intelligemment. Oui, mais là c'est fait intelligemment. Parce que la mort, c'est pas. C'est pas jetable. Le contrat s'arrête. On tue le personnage. T'as un peu un spoil en fait sur la vraie couverture où t'as une espèce de planche en bois gravée avec les apparences que le mec peut avoir, donc les gens qui sont morts en gros. D'accord. On regardera pas. Je reviens sur Après la pluie. Après la pluie, il y a un animé. Hein. Pour moi, le dessin c'est clairement Shoujo. Ça m'a fait penser à du Dragon Ball. Après la pluie ou celui-là? Là, après la pluie. Ah ouais, je trouve. Oui, sur certaines scènes. Pas forcément au visage, que les yeux sont gros, mais à part ça. Les découpages peut-être dans un peu le. Il y a un moment, tu vois un mec qui monte dans sa bagnole sur un parking, et franchement, la voiture, j'ai l'impression de voir Bulma monter dans une. Après la pluie, j'avais lu que c'était. Ah, c'est vrai que Toriyama, les véhicules et mais tout après, ça, j'ai pas vraiment pas beaucoup de recul sur les mangas, donc ça se trouve, je dis vraiment de la merde. L'anime, c'est pas un ressenti. Oui, c'est comme moi, je prends, je fais. Ah oui, non, pour moi, c'est clairement. Moi, ça me fait penser à Chobits. C'est vraiment assez beau. Oui, ça fait plus penser à Chobits. Ouais. Le trait est clairement Shoujo. Par contre, il est classé en tant que seinen. Ouais, donc c'est plus l'histoire, c'est plus forcément du sentimental, mais il y a plus de... Il y a, un peu il y a, de beaucoup, il y a beaucoup de sentimental, mais c'est pas que ça. Oui, c'est pas que... Ouais, forcément que ça. Et donc, après la pluie, il y a un animé disponible sur Amazon Prime Video. Ah ouais. Je l'ai pas regardé encore. J'ai un accès à Amazon Prime Video, mais je l'ai pas encore regardé. Oui, mais comme tous les gens en fait, qui ont un accès à Amazon Prime, ils ne regardent pas parce qu'ils y pensent pas. Donc c'est Amazon. Non, mais c'est vrai, tout le monde a l'Amazon Prime quasiment aujourd'hui. Non. Et les gens qui l'ont se disent, ne se disent pas. Ah putain, je peux prêter les accès. Mais c'est vrai. Enfin, moi je l'ai pas pris parce que c'est moi. De toute façon, que je reçois votre truc. Prêter les accès, si tu veux. Demain ou après demain. J'ai envie de y voir un peu. Ça, surtout, moi, surtout, c'est le facteur de ne pas avoir de frais de transport. Idem, pour t'as envie de voir ce qu'il y a un peu sur Amazon. Ah, sur les petits colis, ouais, que tu commandes dessus, je pense, puis en même temps, la télé, je fais 150 tonnes. Donc on reste sur quand même un très joli aussi sur To Your Eternity, c'est vraiment... Ouais, non, c'est magnifique. Et c'est la bestiole, elle dessine de ouf. Elle dessine très très très très bien. Par contre, le seul truc un peu chiant avec cette série, c'est que je sais pas combien de temps ça va se finir, on en est quasiment au 10e. C'est plus moi. Non, mais on en est au... 8 ou 9. 8 ou 9. J'ai bien de vérifier. Mais ça veut rien dire, en fin de compte. Ouais, je sais, mais... Ils peuvent t'en faire 10 et puis dire, ça y est, c'est fini. Oui, la série Run Day Bust, c'était pareil. C'était une série où les mecs, ils partaient pour une course qui faisait le tour du monde. De quoi? De To Your Eternity? Non, de Run Day Bust. Moi j'ai kiffé, je trouve que l'auteur il fait des bons trucs. Et au début je m'étais dit. En fait, ça met des gens pour ça, hein. Ouais. C'est pour écrire. Au début j'étais là, c'est parti pour un truc qui fait 30 tomes, 9 tomes. Ça finit. Mais j'aime bien les mangas relativement, trop. Ah ouais, genre en deux épisodes. En deux tomes. C'est la seconde. En deux tomes, les mecs ils font la moitié du tour du monde. Ils ont mis le litro, ils ont fini le tour. Ouais, c'est ça. C'est du Mario Kart. Ils ont mis les doigts là. Alors si vous voulez, j'ai le coffret tome 1 et tome 2, et j'ai le coffret tome 1 Cédicast m'a envoyé. J'avais gagné un concours et je dis il y a celui-là et un autre, et du coup ils m'ont renvoyé le tome 1. Donc si vous voulez... Moi je trouve ça très joli, c'est sympa à lire, c'est pas ouf, hein, c'est pas... Ça a l'air rigolo. Non, c'est très sympa à lire. Ça me rappelle quelque chose au niveau du dessin. Mais franchement, je pense que tu seras comme moi, tu vas lire les deux ou trois premiers tomes, tu vas dire waouh putain, c'est parti pour durer je sais pas combien de temps, fini. Mais j'aime bien, c'est moi. Particulier au niveau des. Oui. Je veux rebondir sur ce que tu dis avec Black Torch. Que c'est déjà fini et que les tomes, on les attaque, on en peut plus. Black Torch qui est un manga vraiment dans l'esprit shonen Neketsu. Si tu voulais pas, tu les donnes pour ma filleule. Je suis grand classique du Neketsu. Très très shonen combat avec l'histoire d'un mec qui est une sorte de descendant de ninja, un truc comme ça, avec Toriko, et qui va se retrouver en étant possédé par une espèce de démon. En fait, lui c'est une espèce d'exorciste, hein, et il va être exorciste. On va lui faire un trou à peu près rond comme ça, voilà, qui va traverser. Et donc pour combler ce trou, il va passer un tartre avec. Tu as envie de te refaire plaisir. Je l'ai acheté deux fois. Je l'ai acheté avec les cartes du tard de la BD. Une sorte de démon surpuissant, en fait, qui est le plus puissant en gros des démons, qui est un chanoir. J'apprécie la peinture de la couverture des cartes du tard de la BD. Je trouve très joli. Et donc à partir de là, il va intégrer une espèce de brigade d'exorcistes, en fait, qui vont essayer de péter la gueule aux autres. Démon que lui-même voilà, mais le chat démon qui se possède, il s'en fout un peu. Et en fait, les démons ils sont assez vilains en général. Ils sont assez méchants. T'en as 8 ou 9 gros max. Donc là, on est sur une histoire vraiment shonen qui pourrait prêter un truc de baston qui dure 1000 ans. Et en fait, c'est fini. Ça m'intrigue. C'est fini. Au Japon, c'est fini. C'est fini, je sais plus combien de temps. Ça m'intrigue, honnêtement. 6 tomes, un truc comme ça. Sachant qu'en France, on est déjà à 3 ou 4 tomes. Sachant que le 4e, il sort au mois de... J'avais entendu parler de ça. Et ben, il est sorti, hein. On est au mois de mars, hein. Il est sorti, là, c'est bien force. Donc, chez Kiun. Ouais. Kiun, ils font des très bons trucs aussi, je trouve. C'est très très bien aussi, Kiun. On a quand même des bonnes éditions de manga en France. Ah, on rigole, mais... Tadam. Ah, c'est joli, ouais. C'est pas dégueulasse. Non, très bien signé. La magnifique double page. Et ouais, en France, quand tu regardes, n'empêche, au niveau des publications de manga, des éditions spéciales qu'on peut te faire, etc. Non, mais on est gâtés. Il y a des, vraiment des très très très belles choses. Et en Angleterre, c'est de la merde, hein, quand tu parce que la France est le deuxième pays consommateur de manga. D'ailleurs, l'Allemagne, juste après, parce qu'ils ont quand même ils ont pas mal de sorties. Hein. Moi, quand France, tu cherches quelque chose. La culture de garder l'objet. Quand il y a les séries qui sont terminées, souvent, ils te font les publications en double tome. Oui. Donc ça, ça prolonge un petit peu la vie, ça fait ramener un petit peu de pognon. Bah, mais du coup, tu peux avoir, bah, au lieu de t'acheter plein de tomes, bah, en fait, t'as t'achètes deux fois moins. Et c'est pas forcément deux fois le prix. Non, non, c'est plus, en général, c'est 2 euros de plus. Ouais, donc voilà. Donc ça vaut le coup. Tu collectes pour pas beaucoup. Quoi. C'est ça, bah, quand t'en achètes 3, t'en as un d'offert en gros. Oui, c'est ça. C'est les Cap 14 hein. Sakura par exemple qui ont eu ça en La réédition est jolie. Hein. Très belle, très belle. La réédition, ouais. Mais déjà, les cartes Cap 14 Sakura, récent, c'est de Ranma 2 aussi, justement. De qui? De Ranma 2. Ah oui. Je les ai pas fait parce que. Non, c'est pas des grands grands. Non, c'est des grands grands. Alors non, ils se font une fois et demie la hauteur, je crois. Oui, un peu plus haut. Je crois qu'ils sont un peu plus grands. Ils sont pas aussi grands que les Dragon Ball Perfect et les Doctor Slump Perfect. C'est je crois qu'ils sont pas aussi grands. Ils sont pas aussi grands que ça. Parce que moi, justement, dans les Perfect sont grands. Les Perfect qui sont un peu plus grands quand même. Doctor Slump Perfect. Ils sont pas mal. Moi, j'étais intéressé, par exemple, c'était pour acheter les Black Edition de Death Note. Putain, ça c'est... Ah oui, les images sont magnifiques. Par contre, quand tu regardes le prix, c'est 14 balles. C'est cher pour un double tome. C'est un double tome. Quand tu réfléchis, c'est pas si cher. C'est 7 balles, 7 balles. Je sais bien, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que les double tomes, en général, ils sont juste 2 à 3 euros de plus. Là, c'est le double. Oui, le prix est déjà amorti sur, on va dire, la version principale. Par contre, l'édition est magnifique. C'est comme l'édition colossale de l'Attaque des Titans aussi, qui est... Ouais, mais ça, c'est, c'est moche. Non, la ah, oui, d'accord, titans, mais l'édition. Attends, j'ai mon coude. Mais attends, il se dit pas comme ça. Coude, personne n'a un coude comme ça. L'édition colossale, et cela dit. Les titans, autant les planches dessinées. Le mec, c'est pas dessiné. C'est pas possible. C'est pas le mob psycho, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. C'est One Punch Man. One Punch Man, c'est très sympa. One. Le mec s'appelle One. Alors que les Break Story, version grave. Bah c'est vrai, il y a certains mangas, putain, en version vraiment c'est super. Les vrais stories, c'est de ouf. C'est magnifique. C'est grave, c'est pour les vrais. Le mini-skill, voilà. Le fait de le passer en grand format, t'as pas un truc pixelisé dégueulasse. C'est plus lisible en plus. Bah attends, c'est au bataille. Non mais le passage au format pocket, au format A4 grand, ils ont pas fait un agrandissement numérique. Le trait d'Obata, c'était même plus de la réduction sur le petit. Puis le trait d'Obata, s'y prêt. C'est ça. Hein, c'est des traits forts. Les planches à la base, les mecs, ils les font pas en tout petit. Ne serait-ce que les formats européens qui sont toujours très souvent dessinés deux fois plus grands. J'ai connu un dessinateur qui dessinait sur du A4. Pour oui, ça arrive. Quand j'ai dit c'est un original, oui. C'est un original. Bah oui, je viens de vous répondre. Le mec, il avait refait la ville de Paris, le mec, c'était fait chier. Ouais, il y en a, ils sont très forts. En même temps, sur les petits, je comprends, les gens qui n'arrivent pas à dessiner gros. Hein. Non, mais sur du A4, tout un dessin A4, c'est chaud. Ah non, mais j'ai dit c'est vraiment un original, au mec. J'ai dû poser la question plusieurs fois. T'as bugué, quoi. Ouais, j'ai bugué. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, allez, le dernier. Ah. Donc, je vous ai gardé la kata pour la fin. La kata, what the fuck. Attends. Attends, c'est Magical Boys. Non. C'est pas Magical Girl Boy. Ah merde. J'aurais voulu. Ça commence pareil. Of the Death. Non, c'est l'autre. Ah non, ça y est, c'est un truc où t'as les Magical Girls qui commencent à buter tout le monde ou un truc comme ça. Non, c'est pas celui-là. Ça n'est un autre encore. Magical Girl of the End. Merci, je pensais à Of the End. Mais c'est pas celui-là. Mais ça commence aussi par Magical Girl. Vas-y, allez, 30 suspense. Magical Girl, holy shit. Ah oui. Ah putain, ouais, tue les mecs n'importe comment ou je sais pas quoi, elles s'en bat les couilles quoi. C'est l'histoire d'une meuf qui se retrouve être une Magical Girl, mais elle s'en balek. Bah oui, c'est ça. Elle se bat les clopes et elle tatane tout le monde, mais sans ses pouvoirs de Magical Girl. Sa petite mascotte là qui arrête pas de faire miou miou miou et il fout des patates dans la gueule. Si tu redis mou, je t'envoie sur la lune. Non mais il faut te transformer en Magical Girl avant de péter le gros méchant. Non. Grosse patate, le mec est par terre, fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume sa clope et elle barre. Il y a peu de tomes aussi, je crois. Pour l'instant, il y a que deux tomes. Et comme vous pouvez voir sur la couverture, elle est bien, la meuf est bien badass. Elle a quand même son costume de Magical Girl. Qui est taché un petit peu. Ouais, qui est un petit peu taché parce qu'en fait, elle a sa baguette de Magical Girl pour lancer des trucs, sauf qu'elle ça sert juste pour massacrer les mecs avec, elle lance pas des. C'est une matraque. Elle devrait avoir une batte de baseball de Magical Girl en fait, quoi. Elle lance pas de pouvoir avec, ni rien. J'ai entendu du bien de ça. Et c'est juste complètement. Ça fait un peu penser à Eat Fairyland en principe. C'est un peu ce principe-là, ouais. Mais avec du Magical Girl. Voilà. putain. Voilà, donc c'est chez Akata dans la collection What the Fuck. I Hate Fairyland, on n'avait pas fait on avait parlé. Un sujet dessus là. Ah ouais, ah, c'est assez ouais, bien. On avait fait un sujet dessus où c'est toi qui avais fait passer la BD. Ouais, frère, tu vas repasser ouais, la reste ouais, c'était bonne, bonne barre de rire ça aussi. Mais faut que je. Ça tournait un peu en rond, mais très bonnes idées. T'es souhaité. Du coup, merci. Ouais, du coup j'ai fini. Ouais. Alors je vais vous demander juste de meubler quelques instants, je vais rappeler ceux qui viennent. Alors Ikea, Conforama, Alinéa, Maison du Monde, Maison du Monde, le comptoir des cotonniers. Ouais. Le comptoir des cotonniers. Il a fallu sortir ça. C'est le comptoir des cotonniers. Si, c'est le comptoir du cotonnier, ouais. Ah, on avait ça à une époque. Roche-Beaubois. Il y a toujours le comptoir des cotonniers. Moi je vous vois, le magasin, il n'y a jamais personne. Château d'Ax. Ou alors quand ils font des pots et des vernissages. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a pot. Ce soir, il y a pot. Ce soir, il y a pot. Bon, revenez, Dieu. Les amis. Revenez. Est-ce que les gens reviennent? Ouais. Il y en a qui ont pu se reposer. C'est pas un survivor. Pas vraiment. Des petits yeux quand même. Voilà. On a quand même eu une belle sélection. On a pas ouvert la chemin. Diverses et variées à lire. Très, très, très sympa. C'est pas mal du goût. Merci Asto. Ah oui, merci Asto. Comme d'hab, je suis pas déçu, je repars avec ma liste. Ouais, super. Il y a un mois, je suis reparti avec mes mangas. Avec allez. Non, c'est rien, c'est le petit verre, il était vide. Il y a un mois, je suis reparti avec les infimes à regarder, moi je repars avec les mangas. C'est ça. Agadé. Agade bien. Tu me vois, tu sacré. Agade Yubé. Ah, tu vois qu'on a eu au gourmet. Alors on en est où maintenant? Alors maintenant on va faire les questions aux invités parce qu'on a des invités donc on va leur poser des questions. Ouais. Alors je passe vite fait le jingle. Je sais pas où c'est, quelles sont les questions dans le truc. Dans le pad. Ah c'est une question là aussi. Ah oui c'est. Allez viens. Putain je me souviens quand t'avais produit. Allez viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips! Ouais. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va je manger des chips! Vas-y, t'es raccourci, tu le. Vas-y. Tu l'as rallongé quand tu dis que je vais. Musica. Oui. Un nombre entre 1 et beaucoup. 93. 36. Okay. Comme les congés payés! Alors, 36, je l'ai. C'est une question de Oasis. Ah oui! Pourquoi dans Windows 95 on doit faire démarrer arrêter? Pour arrêter. Pourquoi dans Windows 95 on doit faire démarrer pour arrêter? Je suis ingénieur informaticien. Fais gaffe, tu as trouvé Windows 98. Ok. Ça plaît. Ouais, tu peux utiliser ça comme réponse. Voilà, bah vous m'avez fait la réponse, merci. Mais à noter que sur les derniers, il faut arrêter pour. On attend la suite, c'est toi qui, je te rappelle. Joli, avant que tu me tapes. Dépêche-toi alors. T'as... 666. Alors attends, je scroll. C'est là où tu vas finir par aller. 76. On a déjà fait. C'est gentil, non? DC ou Marvel? DC ou Marvel? Moi je suis Marvel plutôt. Ah ouais? Voilà. J'aurais du mal à choisir. C'était à 76. Personnellement, je suis plus Marvel parce que c'est ce que j'ai le plus consommé. Après, je ne porte pas de jugement de valeur en disant je préfère parce qu'en fait, je ne connais que trop peu DC. Et par contre, ce que j'ai lu de chez DC, j'ai beaucoup aimé. Qu'as-tu lu? J'ai lu Joker, Killing Joke, La Cour des Hiboux. C'est déjà le Redson. Est-ce que par hasard tu viendrais pas de Batman dire de lui faire l'appel de qu'as-tu lu? C'est bien. Alors okay. Pour toi, juste pour toi, je vais chercher dans le Jingle Palette. Voilà. Ah, cette blague! Mais là j'avais la flemme et là. Voilà. C'est vrai, il était très bien. Ouais. Alors. Cela dit, il y avait du travail. Mais non, moi je porte pas de jugement de valeur entre les deux, c'est plus parce que c'est ce que j'ai le plus lu. Voilà. Est-ce que tu as lu du coup White Knight. De Batman? Non. Très bon. Parce que j'avais un abonnement Marvel Unlimited en plus à une époque. Non seulement. Ça a été plutôt pas mal pour. Non seulement il est très bon, magnifiquement dessiné, mais en plus c'est vraiment. Et le dessin m'a l'air plus accessible que. En plus c'est ma femme qui tu ne l'as pas du coup sur. Parce que Punk Rock Jesus, c'est l'espèce de dernier des fois. Zut. Zut, crosse flûte. Je passerai tout le monde pour Kakabouda. Kakabouda. Il est chafouin. Voilà. Donc voilà, on passe à mon ami à Jujur. Allez, Jujur. 87. Encore. Ah non, non, ça marche pas. Je crois que t'as rien fait autour de 80 en fait. Non, il a fait des crescendo. Ah, visiblement, il y a personne qui a posé cette question, mais si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors ça, c'était la question que j'avais créée pour Podren. Oui, oui, c'est la fin de liste, c'est les questions Podren. c'est du vol et du plagiat. Oui. Et, j'aime pas les voleurs et les fils de pute. Je déteste les animaux préhistoriques partout dans le monde. C'est ça. Vive la révolution d'octobre. Merci, monsieur Flag. C'est de la sonde, là, quoi. C'est mon verre. C'est mon verre. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est là. Je la sens d'ici. Et on peut avoir la question suivante, s'il vous plaît. Alors, monsieur... qu'on en termine. Monsieur, bon, après, il y a un quiz encore. Hein. Monsieur. Ah bon, tu fais encore là, la mise à mort. Monsieur Rondalou. On a combien de temps? Non. Flagounet. Si, Flagounet. Davidounet. Non. Monsieur l'appelle Barbichou, donc tu peux y aller. Mais tu acceptes le Flagounet. Moi, je suis le plus vieux, j'ai les droits que vous n'avez pas. Donc, c'est, on a le droit de te donner un petit surnom. Messier, Soupignon Camoyenné. Messier Rondal. Jean-Marie Rondal. Jean-Marie pour Flagounet. Vas-y, dis un nom. Enchaîne, dis un nom. 73, c'est le 3. Tu l'as merde! Elle a pas déjà fait? Elle a fait 7-4. Vas-y. Moi, je l'ai fait 7-4. Du poids ou Pornhub? Oui, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Non, c'est Pornhub. XMCR. Je suis plus du porn.sexy. Ok. Et quel tag? Et quel tag? Toujours quel tag? 25 cm. Quel tag? Ah, quel tag! Ouais, c'est une odeur assez proche. Ah, pardon. D'Altanien. Et Anna, du coup, pour finir ce. 9, tu as déjà fait. 78. Ouais. Ah. 78. Peut-on accuser la mort d'usage de faux? Non. Ah. C'est pas noté. Non, on l'accuse pas. C'est pas noté. Fait. C'est un faux. C'est pas une accusation. Mais info ou internet. On peut pas l'accuser de ça puisque c'est son job d'user une faux. Bon. Oui, bah. Une vraie faux ou une fausse une vraie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions débiles. C'était bien. Ouais. Deuxième tournée est-ce que... Non, c'est bon, c'est rattrapé sur les mangas. Ça ira, je pense. Ouais. Du coup, on va finir sur du coup. Du coup. Et du coup, c'est le meilleur jingle au monde. Oh merde, c'est le tien. T'as refait ton jingle? Bien sûr. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Oh non. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil le saucisson comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Je vois très peu de différence entre un ancien générique et... Oui, voilà. Non, en fait, il n'y en a pas. Il est en flac. Dis-le, il est en flac. Il est en high-res. C'est gentil. Il a converti le MP3 en flac. Donc, le mantel, c'était d'inspiration podcastique. Oh, et en fait, je vais vous poser des questions qui m'ont été inspirées, que j'ai repris de quiz d'autres podcasts. Ah, le tricheur. Le plagiat. Ni le tricheur, ni le plagiat, le gros flemmard. L'appropriation. Supercana a tout résumé. C'est ça, mais je cite d'où viennent les citations des sources. Déjà, il en met une rubrique en trois podcasts. Donc. Bibliographie. Donc, j'ai deux quiz. Plus bien sûr le Spirou qui va venir. C'est marrant, il y a comme un thème de feu. Le premier quiz, c'est sur les unités du système international. Pour le Spirou, tu es le seul qui a rendu compte. Les unités du système international. Tu vas mourir. Mais quel podcast a dû faire ça? Ils écoutent pas, c'est pas grave. Alors, petit quiz, de quel podcast vient ce quiz? On a le droit de répondre. Moi, je sais. Unités du système international. Non, toi, t'as pas le droit de répondre et péremptoire non plus. Ouais, moi, je m'en bats les couilles. Podcast sur. C'est hors cadre. Pas du tout. Ouais, il y en a un autre qui a fait ça récemment. Bonjour. Captain. pas du tout non plus. Podcast Science ? J'ai pas goûté. Podcast Science, c'est le numéro 340. Ouais, bah, hors cadre aussi, ils l'ont fait. Hors cadre avant. Hors cadre avant. Hors cadre before. Ouais, mais là, voilà, c'était sur les constantes. D'ailleurs, il y a une expression qui dit ça a déjà été fait dans hors cadre. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est un. Hors cadre l'a déjà fait. Jean-Philippe Puzan qui a. Éditeur, maître de conférences. Il a bon, fait des trucs. Il a à peu près les mêmes compétences que nous. Quoi. Non, mais lui, il, voilà le. Il est capé. Le bras. C'est ses connaissances. Ah, il te fait des. Il te fait des. Il a des connaissances avec un coup de milieu. Et il, ouais. C'est toujours le dernier en plus intervenant de podcast Science avant les vacances. Donc, ah. Le dossier, c'est Jean-Philippe Puzan qui. Ouais, moi aussi avant. C'est dommage, j'ai écouté le tout. Donc, je vais vous demander des différentes unités et vous allez me dire quelle est l'unité utilisée et le symbole. Ouais, okay. Ouais ça okay. Va aller. Le joule. Le joule. On va faire ça. Et la nuit. Unité de joule et la nuit. D'abord, l'unité, vous levez la main. Et après. Eh, tu fais bien le levage de main, toi là-bas. Et après quoi? Vous baissez. Okay. Et je vais vous interroger. Donc, on va commencer par. Ah, parce qu'en plus, il compte les points. Ah, mais oui. Bon, lui, il ferait ça bien. Petite récompense. Ah, ok, d'accord. Je dire ça, je savais. J'avais une compétitrice, là, Anna. Petite récompense. Rassurez-vous, vous ne nous repartez pas les mêmes villes. David, si tu nous entends. C'est éventuellement un manga dégueulasse. Je pars content. Ok, bah, on le mettra dans le sac. On mettra dans le colis. Un abonnement à Patreon de Riviera Ferraille. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. C'est quand vous voulez. Unité de masse. Le kilogramme. Non. Le oui. C'est ça. Non, bah oui. Unité et symbole, donc c'est bien le kilogramme. Ah, non, c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Et le symbole, c'est bien kg. Alors que le poids, c'est le. Tais-toi. Tais-toi. Et petite info qui va peut-être vous aider après, c'est le seul, c'est la seule unité qui n'est pas, qui est un, qui est un multiple. C'est pas une base. Donc on part directement de kilogramme. Et on descend. Et c'est ça l'unité c'est de base. Mmh. Alors que tous les autres, c'est 10 oui. Moins 3 par rapport au kilo. Ça serait le gramme. Voilà, ça serait le gramme en toute logique. Ok. Je sais que c'était le kilo. Alors, je l'ai déjà noté. Donc, Tocheux. Jean-Louis Tocheux. Président. Jean-Robert Tocheux. Louis Musica. Ludwig van Tocheux. Je joue pas, moi. Randall. Randall. Randall. Pas de problème. Ouh, Jean-Jean, il est moins chaud là. Et la chimelle elle est où? Dans ton cul. Elle est là. Gros con. Je crois qu'il y a encore. Tu vas prendre une paye instant. Sur le chat. Salut. Voilà Révan. Je me rapproche. Révan, est-ce que quelqu'un peut gérer le chat? Parce qu'il y a Révan qui est dessus. Alors je vais tenter. On s'en bat les couilles. Non. Non, parce que je vais participer justement. Ah c'est vrai. Oui. C'est gentil Révan. Alors je me rapproche. Elle a écouté nos conneries quand même depuis le début. Oui. Non, pas depuis le début. Depuis le 3, ouais. Ouais, mais depuis le début du 3. C'est quand même courageuse. Ouais, c'est courageux. Oh, la connue plus courageuse. Ça va, ça va. C'est bien balade de direct le site que moi je. Même Révan. Oui, oui Révan est. T'inquiète pas, il y aura des améliorations le jour quand j'aurai pas la flemme quoi. Alors, il fonctionne. Hop, ça fonctionnera mieux. Ça. Oui, vas-y, on t'entend de super loin. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, autre info sur l'unité de masse. Avant c'était donc. Est-ce que c'est de la ligne en livre. De la ligne 2. Chut. Il y a 489,55 grammes. Pour un livre, on a le quintal. Une livre. Ouais, quintal. Si vous me dire l'équivalence. C'est 500, je crois. C'est la moitié du quintal. Quintal, c'est 500 grammes. Non, quintal, c'est 100 kilos. Quintal, c'est 100 kilos. C'est 100 kilos. C'est 100 kilos, quintal. C'est 100 kilos. Oui. Ah bah moi, j'ai pas ça. C'est moi, j'avais ça. C'est alors, le quintal, c'est 100 livres. Ah merde. Et 48,950 kilos. Est-ce que ça s'est transformé après parce qu'on l'utilise toujours le quintal Après j'ai fait un copier-coller Wikipédia donc ça se trouve c'est peut-être la notation. Est-ce que ça a été pour moi le quintal ça a toujours été 100 kilos. Mais peut-être que ça a été fait dans l'usage. Bref, on s'en fout, c'est plus utilisé. J'ai pris ça de Wikipédia donc si moi ma belle-sœur je l'appelais le quintal. C'est bon. Le quintal. Oui oui c'est 100 kilos, je confirme. Ok, c'était 100 kilos. Et l'unité c'est Q. On nous dit oui. Wikipédia. Majuscule. Eh ben on est bien. Minuscule. Bravo, c'est bravo, c'est top. Putain, ça bosse mal, c'est con. C'est un dossier sur trois émissions, il est foiré. Une once. Ah, une once. C'est léger ça. Oui. C'est pas une once britannique, une once américaine ou une once française? Une once de Wikipédia. Ouais, donc on s'en bat les couilles. C'est pas 33 grammes, un truc comme ça. Il y a Revan, elle dit 150, mais je sais pas du tout. Mais attends, je comprends pas la marque. Parce que c'est en plus. Non, c'est des bonus. Si tu veux faire des points en plus, tu sais. Mais non, le symbole, c'est OZ. Pour moi, c'est 0,1 gramme. Aux USA. 0,1 gramme. Mais c'est ça quand même. Et c'est pas des grammes, les onces. Moi, j'aurais dit 0,1 gramme. Non, sinon, ça serait des onces liquides. Oui, parce que t'as les onces liquides et les onces. T'as le OZFL. C'est ça. OZFL. Les anglophones sont chiants là-dessus. Alors, Revan sur le chat se dit quand même mon sac à l'avance. Waouh. Elle a raison. Comment elle est connectée avec Flag à distance, c'est énorme. Et les joueurs de football, ils sont 11 aussi. Par équipe, sur le terrain. Par équipe. Alors, moi, de ce que j'ai noté, donc. C'est à prendre avec des pincettes. Un 16ème de livre. C'est un 16ème de livre. Un 16ème. Alors, ça me semble beaucoup. C'est un chapitre quoi. Un 16ème de 1 quart. Moi je suis pas comme... Ça fait 30,594 grammes. Ah, c'est pas tranquille, et mais 30 grammes. Pour info sur la masse, donc le kilogramme non officiel originel, le gramme, et l'unité de masse, il est égal à la masse du prototype. 28 grammes, l'once. Ah, ça dépend, l'once britannique et l'once américaine. 90%, 10% de marge d'erreur, est gardé au Bureau international des poids et mesures à Sèvres en France. Oui. Ça a changé. Ça va être corrigé en vrai. Ouais. C'est pas aux arts et métiers. Alors, ces valeurs-là, c'est le premier CGPM de 1889, CR 34-38. Sinon, l'once, c'est 28,35 grammes. Ça dépend ce que c'est comme version d'once. Voilà. Moi, je suis allé sur la page. Wikipédia. L'once impériale et l'once britannique. Oui, sachant que l'once officielle, c'est celle de la page des points et mesures, puisque voilà. C'est elle qui fait office. C'est ça. Et historiquement, c'est la masse d'un décimètre cube d'eau, soit 1 litre à 4 degrés. Oui. Parce que justement, il y a toujours un facteur de température qui rentre en ligne de compte. Ouais. D'où les CNPT, les conditions normales de température et de pression. Dans le dossier de Jean-Philippe Usan, justement, il dit que toutes les unités ont un rapport entre elles. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, parce que... Oui, sinon c'est complètement anarchique. Et quand c'est juste des échanges énergie qui a été thermodynamique. C'est ça, ouais. Si tu veux, c'est OK. Et le kilogramme va être formé dans pas longtemps. C'est bad. Avec un calcul. Parce qu'en fait, le kilogramme aujourd'hui, le poids étalon est... Il se dégrade. Il se dégrade et il dérive. Et justement, ils sont en train de choisir un métal ou enfin une matière. Ils sont en train de changer de solution pour modifier le calcul du référentiel en fait. Ça va être fait. Pour nous, ça va rien changer, mais dans les 2-3 mois à venir, c'est réglé. Ça sera plus basé sur le kilo étalon, ça sera une forme. Ça sera sur un atome. Voilà, c'est ça. C'est basé sur l'atome de je sais plus quoi. Oui, c'est ça, ouais. Veritasium, on a parlé. Fais gaffe, ça tamponne. Je tire du mal dans ma gandalf. Tu Randall avant moi, que ça, j'aurai le temps de courir. Non, Randall et moi, on va te taper. ça va nous détendre. Ça va nous calmer déjà et après, on avisera. Comme ça, il pourra mourir tranquille. Après, peut-être qu'ils auront plus envie de se taper entre eux une fois qu'ils t'auront tapé. Après, quand je pense que c'est ça. Je crois que PC, il va m'aider. Non, il va m'aider. Il va me taper moi-même. Dans une cloche. Pour éviter justement la dégradation. Pour éviter la dégradation. Sachant qu'à chaque fois qu'il était nettoyé à coup de chiffon, on enlevait de la matière, donc il ne faisait plus un kilo. Oui. Non, mais c'est vrai. Dès qu'il y a froid, et le pire, c'est qu'il prenait de la matière. Non, il en perdait. Non. Visiblement, il en prenait. Il l'en prenait que quand tu le touchais. Ouais, parce que tu laissais tes empreintes avec du gras. C'est tu laissais du gras de frites. Du gras de frites. De fricadelle. Unité de longueur. Ma bite. Le mètre. Anna. Watch the joint, il bat les couilles. Bat les couilles. 1 point. Donc avant c'était le pied. Plusieurs. C'était le pas. La coudée. La coudée. Je vous demandais le pouce. 2,56. Non, c'est 2,54 cm exactement. Merci les écrans. Le pied. 30 cm environ. Non, un pied c'est 0,307. 0,307. Oui. Ah, 3,70. Allez, toi, c'est 30,72, je crois même. De la page Wikipédia, moi j'ai 30,48 cm Mais moi je dis c'est... 30 cm environ, toi tu Oui, mais c'est parce qu'il compte pas la longueur des ongles. C'est ça. C'est ça. Il y a celle qui va avec et la chaussette. En pouce. Oui. Donc c'est 12 fois 1 pouce. Ouais, voilà. c'est 12 pouces. Double. C'est un écran 12 pouces, t'as un écran 1 pied. C'est ça. Ça. Et la pointure à peu près par contre. Et Réval, exactement, pied, ça dépend de la pointure. Exactement. Et de l'épaisseur des chaussettes. Le pire c'est qu'elle Le pire c'est qu'à la base c'était vrai, ça dépendait... Dans les régions, et ça s'est fait comme ça. Oui, et je crois, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, et le pied c'était par rapport au pied d'Alexandre le Grand. Oui, c'est ça. C'était un truc, ma phrase c'est justement dans le... C'est... Il y avait le pied standard. Le pied standard, c'est le pied d'Alexandre le Grand. Non, assieds-toi s'il te plaît, tu t'appelles pas Alexandre. J'en ai marre. Oui, on a marre. J'ai mal. La toise. Faut que je me... La toise. Ah, t'en coller une. Non, ça, c'est pas celle-là. La toise. Non, ça, c'est la toise de chez nous. Qu'est-ce qui sert à mesurer la taille des gens? C'est 4 pieds. La toise, c'est qu'est-ce que tu laisses au parc quand tu payes pas? La toise, ça fait pas genre 1m50 ou un truc comme ça. 1m50, oui. Ouais, c'est ce que je pensais. 1m80. Ouais, alors c'est un peu. Là, j'avais dit. Ah, bah c'est pas moi, quoi. Pas te dire. Je suis pas prêt à faire une toise. Donc, c'est ce qu'il faut creuser pour enterrer les gens. C'est 1m80. Ça, c'était la taille de Chabal. Tu l'étais, ça. Voilà, bonus. Oui, mais 1m80, c'est la profondeur de tombe, en fait. Chabal, 6 pieds 3 pouces. Mais oui, 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, l'expression va venir de là. Non, 6 pieds 6 pièces. Tu connais pas ça? Non. Bref. Donc les informations sur la page Wikipédia, c'est que le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de beaucoup trop de secondes. Attends, de quoi? Vas-y, tu peux reprendre le départ. Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 vitesse de la lumière. C'est du rétro-engineering. Sachant de la que longueur. Déjà la seconde, c'est elle-même le calcul de la période d'oscillation d'un électron de je sais plus combien. C'est vrai qu'on tourne en rond. C'est le premier cours de. C'est la première formule que tu dois apprendre quand tu rentres en première pour faire des cours de mécanique. Du coup, on a une formule qui. Ok. Ouais. Ce ne sont que des constantes avec des décimales qui n'en finissent jamais. C'est ça. Si tu modifies un truc, t'as tout qui se. Donc, ça, cette. C'est ça. Je sais pas, j'ai fait L. C'est du rétro. Ouais, il y a parlé de l'effet. Donc, c'est la 17ème CGPM 2983, résolution 1, CR97. Ou alors que le mètre à une époque, c'était entre les méridiens ou je sais pas quoi. C'est ça. Ouais, c'était une subdivision. Historiquement, la première définition officielle et pratique du mètre, 1791, était basée sur la circonférence de la Terre qui valait 1,41 d'un méridien. Bref. Ouais. Passons. C'est très compliqué. C'est beaucoup d'autres choses. C'est disque, quoi. Un disque, c'est ça. C'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts d'un mec qui bourre. Plat et disque. Ouais. Auparavant, le mètre fut proposé en tant qu'unité universelle de mesure comme la longueur d'un pendule qui oscille avec une demi-période d'une seconde. Ah, c'est une demi-période. Ouais, il y a des trucs, en fait, quand tu pousses un peu, c'est des trucs de berge pour essayer. Mais il y a des trucs qui sont assez logiques en fin de compte. Non, mais surtout, c'est souvent des trucs qui sont rétro-ingénérés. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait un mètre, il faut qu'on trouve un truc scientifique. Qui puisse le dire, un mètre, on explique. C'est un variable. Alors que moi, je mesure. Tu cherches la règle générale qui va te l'expliquer. Le mieux, c'était le degré Fahrenheit. Tiens, il fait froid, 0. Ah oui. Non, pas Fahrenheit, le degré. 10, ça, Fahrenheit. Kelvin. Non, Fahrenheit. Non, c'est le Fahrenheit. Fahrenheit, c'est la température du sang d'un cheval pour vrai, la température zéro, je crois. C'est l'équivalent du zéro, ouais, c'est la température qu'avait le sang d'un cheval. Ouais, le plus haut, c'était la température. Non, le plus bas, c'était la température la plus froide observée dans la ville du scientifique en question durant l'année, je sais pas combien. Voilà, c'est ça. Et là-dedans, il s'est dit, c'est un peu trop simple, on va diviser tout ça par 12 et subdivision par 8. Alors, Richter, alors il y a 1, ça bouge, mais ça sent pas trop, 4, ça bouge, mais. Alors, je sais pas à quoi Révan fait référence, mais elle dit, si tu pousses un peu, il y a Georges qui sort. Ah! Big up à Georges. T'as qu'il a pas été cloné. Parti trop loin. Ouais, remonté trop haut, je trouve, mais. Si tu regardes. Georges, de là où tu es. Troisième unité. Les verres seront rudes. Attention, l'unité de temps. Anna. Ah, c'est la minute et c'est M. Tocheux. C'est la seconde. C'est la petitesse. Ah là. Il t'avait bien dit que c'était la seule qui n'était pas multiple. Ouais. Qui n'était pas. C'est pas grave. La minute, c'est duel, c'est pas. Ouais. Et Réman avait la référence à la seconde. Et la seconde, c'est justement définie par l'oscillation d'un certain électron pendant une période de. Mais non, oui. C'est ça. Alors, la définition officielle, c'est la seconde et la durée de 9 192 671 770. Période de la radiation correspondante à la transition entre deux niveaux interfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 à une température de 0 Kelvin. Okay, voilà. Zéro absolu. À des souhaits. C'est ça. Mais c'est alors, c'est voilà, le Kelvin, c'est voilà. Le plus intelligent des degrés. Le degré Kelvin. Le zéro, en fait, c'est le zéro absolu. Voilà. Hein. Le zéro étant le zéro absolu, le Kelvin est le plus logique de tous les températures. C'est exactement ça. En gros, c'est le nombre d'oscillations. Et c'est qu'un décalage du Césium. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que dans l'espace, t'es arrivé un peu au zéro absolu. Et ça, donc, c'est la 13e CGPM. Et pour régler mon lave-vaisselle, ça change quelque chose? D'accord, c'était juste pour être sûr. Pour les yeux à la coque? Ah, non plus. A noter qu'on se rappelle il n'y a pas longtemps plus, qu'il y avait ce décalage tu sais, de temps. Ouais. Non. Ça quoi si. Il y avait ce décalage de temps parce qu'il y avait. Le temps universel. Ah, en Croatie ou en Serbie là. Ouais, en Croatie, ouais. Ah non, ça c'est le défaut d'alimentation. Ouais, voilà. Ah oui, un nord de l'Est. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup moins de puissance de leur centrale. Ah oui. Et donc du coup ça crée un décalage parce que la fréquence était. Et toutes les horloges qui étaient basées sur l'oscillation électrique, elles ont se décalé. Ils ont perdu une minute. Au bout d'un moment, ils ont perdu une minute. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte. Merci le quartz. Ils avaient fait de la merde. C'est ça, bah parce qu'il y avait un souci d'alimentation. Ils donnaient pas le bon. Ouais. Bon la bonne fréquence. Ouais. Donc avant, elle a été définie comme la fraction de 1/88e. Le nombre d'or à tes souhaits. Solaire terrestre moyen. Okay. Le jour solaire moyen étant la durée de rotation de la Terre sur elle-même définie par les astronomes, et l'échelle de temps associée du temps universel TU. Ok. Donc ça, c'était la définition précédente. Il n'a toujours rien compris, mais c'est pas grave. Ah oui, non, mais il y a des trucs, de toute façon, moi j'ai fait des copier-coller au bout d'un moment parce que. Non, c'est super intéressant. Des trucs, ça paraît con comme ça, là, ça paraît imbitable. Prends une feuille, fais des dessins, tu vas voir. Mmh. Oui, non, mais. Tu vas voir, ça rend. En fait, c'est hyper concret en fait. Ouais, c'est exactement. Ils n'ont rien inventé, les mecs. Ils ont juste fait sans faille. C'est ça, la source, c'est ça. Tu veux faire un truc et t'essayes d'expliquer un truc derrière. Tu rationalises quelque chose, c'est ça. Oui. En 1956, pour tenir compte des imperfections de la rotation de la Terre qui ralentit notamment à cause des marées, elle a été basée sur la révolution de la Terre autour du Soleil et définie comme une fraction de 1/30 Alors déjà, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre déjà. Et la Terre est plate. Ouais. Alors, il faut arrêter les conneries. Okay. Ouais. De l'année tropique 1900. Allez voir, il y a une note sur mon cœur. Page, c'est la seconde de temps des éphémérides TE. Ok. Voilà. Bon, d'accord. Donc, depuis la 13e conférence générale des points et mesures, donc le CGPM, la seconde n'est plus définie par rapport à l'année, mais par rapport à une propriété de la matière. Sans orientation de la matière. Base, ouais. C'est ça. Ça marche pas dans la matière. Est définie en 1967 dans les termes suivants. La seconde est naturelle, donc c'est ce que j'ai dit plus haut. Voilà. Non. Bah, là, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ça. La correspondant à la transition entre deux. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la définition. Fallait penser à l'épisode 1. Parce que ça dépend de la fréquence. C'est clairement. N'hésitez pas à le passer en 0,5. C'est ça. Pour bien comprendre. Bien comprendre. Les unités de vous endormir le soir. D'avant, est-ce que vous en avez. On s'en bat les couilles. De quoi? Pas les couilles, frère. Ah, temps, la clepsydre. Avant la seconde. Les lunes. La clepsydre. Le sablier. C'est pas une unité de temps, c'est pas une unité de temps la question. Non, avant, parce que justement on n'avait pas de. Ah, oui. C'est les moyens de mesurer le temps qui s'appelle. Ah, ouais. Le sol, le panneau solaire. Remarque, ça devenait une unité de temps. Parce que tu dis, je reviens dans deux clepsydres par exemple. Le panneau solaire. Le cadran solaire. Le gomon, le. Comment ça s'appelle déjà? Le bâton plantant dans le sol. Un cadran solaire. Un bâton de berger. Non, Bruce Benhamra en parle très bien. Voilà. Comment il s'appelait le monsieur qui a fait ça là, son lamadier là, qui est parti. Voilà, et qui plantait ses bâtons dans le désert. Dans le désert depuis trop longtemps. Un gamin. Tous ces jeux. On est pas loin avec Goemon, Galemon. Ganondorf. Galemon. Ganondorf. Non. Ben il y a moyen. Bref. Enfin, c'est un bout de bois. Ouais, c'est bon, c'est pour mesurer. Enchaîne. Prochaine unité. Unité de courant électrique. Loli. C'est les ampères. Voilà. Symbole. Et le symbole, c'est un grand A. Ouais. Majuscule. Un gros tas. Qui vient de Monsieur Ampère. Monsieur Ampère. Ouais. André-Marie Ampère. André Ampère, ouais. Encore Moi j'ai plein de questions après. Super j'ai héros. C'est un super héros, c'est ça. Alors je fais la définition, après je pose les questions. Parce que là j'ai juste la définition. Donc c'est l'ampère est l'intensité de courant constant qui est maintenue dans deux conducteurs parallèles rectilignes de longueur infinie de section circulaire négligeable et passée dans une distance et passée à une distance d'un mètre. En fait un fil. L'un de l'autre dans le vide. Tu entends les réponses, tu veux pas poser ces conducteurs, une force égale à 2 fois 10 puissance moins 7 tonnes par mètre de longueur. Ouais. Alors, je voudrais faire confiance au vulgarisateur ici présent c'est autour tout des étapes. En fait, c'est la quantité d'électrons qui passent dans un conducteur. C'est pour ça. Me donner la différence entre ampère, ohm et volt. Ah, U égale RI. C'est pas compliqué. Ça, c'est la loi d'Ohm, U égale RI. Les ampères, on mesure l'intensité d'un courant électrique. Donc, c'est le nombre de trucs qui passent par c'est la puissance. C'est le flux d'électrons qui passe dans ton fil. Est-ce que c'est comparable, par exemple, à un robinet? Oui. Si j'ouvre un robinet, c'est fort. Les ohms, c'est ton robinet que tu ouvres et que tu fermes. Plus ta résistance est élevée, plus ton robinet est fermé. Voilà. C'est-à-dire qu'un robinet qui est ouvert à pleine balle, c'est 0 ohm. Fermé, c'est infini. D'accord. Voilà. Le courant ne passe pas. Ça, c'est ton courant qui ne passe pas. D'accord. Ensuite, tu as les volts que tu pourrais considérer comme le débit. Entre les deux. La pression. Non, c'est le débit. Non. C'est combien va couler. C'est ça que c'est compliqué. Moi, c'est l'énergie potentielle, en fait. Ouais. Le problème c'est du vol, c'est, qui est compliqué, hein. C'est que ton courant se déplace d'un potentiel qui est très haut c'est à un potentiel bas. Qui est très bas. C'est ce qui lui ce qui fait voyager. C'est le déplacement c'est des électrons. C'est le déplacement de ces électrons crée une énergie. C'est la pente de ton tuyau et que plus il est pentu, plus ça va couler vite. Voilà. Et qui sert justement à alimenter tes appareils électriques. Faut pas. Alors attention, parce que la pression c'est encore autre chose que c'est une force. Une force, oui. Mais la pression, c'est une force. Tu peux pas faire l'analogie à 100% avec ça. L'analogie, on peut l'approcher, on peut pas la faire exactement. Ouais. Mais en fait, la résistance, c'est vraiment un robinet. C'est l'illustration pile. C'est un robinet. Donc ça, c'est les ohms. Ça, c'est les ohms. Ouais. C'est l'unité de mesure de ta résistance. Ensuite, les volts. Les volts, c'est... En fait, ça pourrait être la section de ton tuyau, presque. Mais en quelque sorte, parce que... De toute façon, c'est la merde. Quand tu veux faire des analogies sur ça, c'est compliqué. Parce que les volts, c'est justement le rapport. Le volt, c'est juste une différence de potentiel. Donc, voilà, matérialiser, moi personnellement, je sais pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a dans des lignes droites de tension. Pendant 5 ans. Justement, parce que dans le volt, c'est le rapport justement entre les ampères et la résistance. Ce qu'on appelle les volts, généralement, c'est la force électromotrice. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on préfère les volts aux tensions. Parce que les tensions, généralement, ça fait de la surchauffe. Bref, revenez dans le prochain épisode pour comprendre. Ça bute très vite. Ouais. Mais en gros, ouais, vas-y. Termine. La formule U égale RI, la loi d'Ohm. Donc, c'est justement la loi d'Ohm qui t'explique que le rapport entre les volts, les ohms et les ampères, tu peux définir justement par rapport à cette formule-là. Et tu retournes les paramètres pour faire les autres. En fait, c'est qu'une question de ratio. Donc, R égale à U sur I. En fait, ta tension est égale à la valeur de ta résistance en ohm que tu multiplies. Par l'intensité de ton courant en ampères, ça va te donner une tension en volts. Donc 220 volts, pour une machine qui a une résistance donnée, tu vas tirer un certain ampérage. C'est pour ça que sur ton tableau électrique, tu as des disjoncteurs différentiels, qu'on appelle ça, qui vérifient la boucle de courant qui passe dans tes conducteurs électriques. Ton plus, ton 220, il part dans ta machine à laver, par exemple, et il revient au tableau. Entre ces deux points-là, c'est là que tu as ta tension, c'est la différence de potentiel. À l'intérieur passe un courant. Ce disjoncteur différentiel qui est censé assurer ta sécurité, il détecte que le courant qui part, il a la même valeur que le courant qui revient. Sinon, il détecte une chute de courant, il se met en croix et il te fait disjoncter ton tableau. Alors c'est ce qu'il fait. Et la cause, c'est le courant de fuite, c'est le fil dénudé qui va venir éventuellement toucher la carcasse de ta machine et ça sert à ça, ça sert à ce que c'est le diamètre de ton tuyau qui prenne la chaleur. Je crois que j'ai vu ça avec un four. Oui, comme ça c'est le coup classique, les fours c'est la pire des merdes. Qui en fait, quand il arrivait à... Mais il me semble que c'était une résistance de... C'est la résistance qui pose un problème. Je le faisais chauffer quand il arrivait à mes 200 degrés. Boum. Oui, parce que là en plus tu as un problème de thermocontact qui s'ouvre et c'est le circuit qui alimente le thermocontact fait la fuite de courant et donc c'est lui qui provoque le saut de tension. Ouais. Moi, on est malin dans ces visions. Ok. Putain, merci, Jamy. Les cours de physique appliquée. À votre service. Ah, bah dis donc, Jamy. Il faut faire attention. C'est ça qui fait mal. D'accord, c'est ça qui fait mal, c'est les ampères. C'est une petite baisse de tension. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. 5 volts, 200 ampères. 5 volts, tu meurs. 200 ampères, tu meurs une bonne deux centaines de fois. C'est quoi, c'est quoi, juste pour être sûr. Mais même en fait, déjà à 10 ampères, t'es déjà mort. 200 ampères, oui, non, parce que suivant 5 ampères, tu peux déjà faire attention. Alors, si tu prends du 220 avec 10 ampères, tu meurs. 10 ampères, tu meurs. À 10 ampères, tu meurs. Le max que tu peux supporter, c'est 30 milliampères. Ouais, voilà. N'oublie pas qu'un téléphone se charge à 100 milliampères. Ah, 30 milliampères, ça tue. Alors que la tension, finalement, c'est un peu illimité. Faut éviter la tension. Ça dépend. En fait, la tension, c'est un peu le rapport aussi. C'est de tout. L'alternative, ça va. Il faut éviter parce que moi, tu restes accroché quand tu prends de la tension continue. C'est pour ça qu'on est passé. Quand tu vas prendre de 230, ça va dépendre de la résistance de ton propre corps qui va induire. L'ampérage que tu vas subir. Et la gravité dépend aussi de quel bras tu vas toucher ni de quel pied. Et oui, parce que tu as le problème du positionnement du cœur qui est plus ou moins loin d'un côté de l'autre selon le chemin que le courant parcourt. Sachant qu'il prendra le chemin ou il prendra la distance. Oui, voilà. Ouais, chemin de résistance. Il va le plus court à la terre. Voilà, c'était tout pour moi. Il prendra le suivant en premier, puis après. Je vous retrouve pour la mécanique. Mécanique avec ton cheveu. Alors, votre info aussi que je vais donner par rapport aux symboles utilisés par les unités, les symboles en majuscules viennent des gens. Du coup, donner leur c'est nom propre. Ah, d'accord, peut-être, mais je crois que je l'ai dans la liste. Monsieur Poubelle. Homme, il s'appelait Monsieur Homme parce que c'est bizarre quand même. C'est la raison. Et Volt, c'est Monsieur Volta. Monsieur Volt. Mais après, ce n'est pas l'italien Volta qui a inventé la pile. Mais après, ils ont changé. Quand ils ont mis des lettres. Il me semblait, oui. Et donc Ampère, bah oui, c'est Monsieur Ampère. Comme le lycée Ampère à Lyon. Comme Monsieur Faraday avec sa cage. Et Monsieur prochaine unité. Et Monsieur il a leur sandwich. C'est l'unité. Attention parce que c'est long. De température thermodynamique. Oh putain, oui. Attention. Ah, c'est lequel des trois du coup. Allez, moi je me tente. Thermodynamique. Le Kelvin. Kelvin, ouais, c'est ça. Le symbole. Car. Majuscule. Parce que c'était Monsieur Jean-Michel Kelvin. C'est ça. Pas Jean-Michel, mais on va dire. John Bob. C'est John Bob Kelvin. C'était Jean-Michel Kelvin Adams. Alors, c'est là le twist. Le twist. Kelvin. Ah putain. C'est que ça vient de William Thompson. Merde. Ah merde. AKA Lord Kelvin. Ah. Oui, voilà, une histoire de Lord. Donc c'était Alors attends, c'est la température thermodynamique. La température thermodynamique, c'est le d'accord. Kelvin. Parce que ça commence au zéro absolu et c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement. Parce que le 100 degrés, il faut savoir qu'au départ c'était la température de l'eau qui bout. Oui, Celsius. À niveau de la mer. Et du coup, au niveau de la mer, voilà, c'est précis, ça dépend de la pression. Au niveau de la mer, c'est pas très précis. Si tu montes, en fait, si tu montes en altitude, si tu vas sur le Mont Blanc, normalement ton eau elle doit bouillir à 80 degrés. Ouais, un truc comme ça. C'est complètement dépendant de la pression. Et au niveau de la mer, c'est pas terrible après, parce que des fois la mer elle est pas à la même hauteur. Mais vraiment quand t'es un jour pleine lune, la mer monte. Oui, et le plus chaud c'est quoi. En Hollande, c'est en dessous du niveau de la mer. Donc tu bout à 2000 degrés. Oui. Dans les polders. Non, hein. Bah non, à. Ouais, si. Du à coup, 110, autre unité de mesure de la température. Ah, bah degré Celsius. Fahrenheit. Fahrenheit. Ou appelé centigrade. Fahrenheit. Donc le degré Celsius, c'est la température Kelvin moins 273,15. Oui. Et l'échelle est la même, c'est le c'est juste qu'on décale vers le 0. Après Fahrenheit, c'est une formule de 1. C'était mon dossier dans hors-cadre, alors je maîtrise. Alors le Fahrenheit, c'est 32 plus 1,80, température Celsius. C'est très drôle. C'est horrible. C'est aussi un jeu de David Cage. Maintenant, le Fahrenheit, j'attends. Ce qui est très très drôle en fait, c'est que... Te le dire. Non, c'est pas ça, ça se décale pas simplement. C'est pas la même échelle. Mais si, alors, écoute-moi bien, la formule pour calculer le Fahrenheit... Ah, c'était la formule, je crois que c'est le décalage que tu disais. Plus 1 fois... 1 fois 0,8, la température Celsius. C'est ça, voilà. Et ce qui est très très drôle, c'est que quand tu veux faire dans l'autre sens, c'est pas la même valeur. Ouais, c'est très C'est-à-dire que quand tu passes du Celsius au Fahrenheit, c'est une formule, c'est celle-là. Et si tu passes du Fahrenheit au Celsius, ça n'a rien à voir. Et si vous voulez vous amuser avec les degrés Celsius et les Fahrenheit, l'échelle n'est pas lisse. C'est pas symétrique. Bah déjà les barreaux ils sont tordus et puis il y en a quelques-uns qui sont cassés, donc il faut les sauter. C'est par division, je sais plus si c'est division de 8, subdivision de 12 ou le contraire. Et si vous voulez vous amuser avec les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius, vous prenez un ou une coloc américaine, vous la mettez dans un pays qui marche en degrés Celsius, vous lui niquez tous ses repères en Fahrenheit, c'est très très drôle. Il fait combien? 20 degrés. Quoi? Mais le truc, c'est ça m'est arrivé et je devais lui expliquer en fait. Ouais, c'est bien plus facile dans le sens, c'est un truc qui est... Oui, mais quand t'as toujours été élevé en Fahrenheit, après tu changes tout, c'est compliqué. Ça c'est pareil dans les deux sens, je veux dire. Mais moi je suis... Parce que j'ai vu ce sens-là en fait. Parce que les Fahrenheit, c'est un 53 degrés, il neige. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ça. Qu'est-ce que c'est merdier? Impossible de le faire de tête. Ok, il fait chaud, mais quand même 99 degrés. Pour moi, ça m'a fait ça la première fois aux États-Unis. 99 degrés, c'est autour de 35. C'est ça. C'est presque 40. Presque 40. Ouais. Donc, la définition officielle, c'est le Kelvin, donc unité de température thermodynamique, et la fraction 1273,16 de la température thermodynamique du point triple d'eau. Okay. Rechercher la définition du point triple d'eau. Et sinon, ce que je te disais, c'était vrai, c'est que ça a été calculé sur la température du sang de cheval et sur la température la plus basse observée dans la ville à l'époque où ça a été créé. Donc, cette définition. Par Jean-Michel Fahrenheit. Et il a dit oh, il fait froid, zéro. Mais c'est vrai. Un peu plus tard, oh, il fait chaud, sang. Oui. Oh, le sang, il est chaud, sang. Voilà. Sang comme le sang. Cette définition fait du Kelvin une mesure de température égale à la variation de celle d'un degré Celsius, mais basée sur le zéro absolu. Donc voilà. C'est ça en fait le point triple d'eau, c'est le réseau absolu calculé. Zéro. Donc le point triple d'eau, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles coexistent les trois états liquide, solide, gazeux de l'eau en un point de température et de pression invariante. C'est fou. Pour la définition un peu de... Ok. C'est donc, très la pression invariante, c'est la variance nulle. J'ai vu. C'est la variance nulle. Voilà. Pendant ce temps, Révan... C'est dans l'espace. Non, Révan, elle s'est ratée en ampère A et en mer. D'accord. Belle-Île. Divertis-toi. Belle-Île en mer. Marie-Galant. Ça va trop loin. Question suivante. C'est nous. C'est nous. C'est lent. C'est l'eau qui vous sépare. Attention, prochaine unité, l'unité de quantité de matière. Le caca, oh là, c'est le Newton? Non. Pas du tout. C'est pas le Newton. Je m'en rappelle plus. Ah, depuis choix. Quantité de matière, ce serait pas les joules? Ouais. Non, c'est la quantité d'énergie. C'est l'énergie, le joule. Ah, ah, la masse. C'est la molle. C'est la molle. Ah oui, la molle, putain. Ah, mais oui. Ah, excuse-moi. M-O-L M-O-L c'est ça pour le mol. Parce que d'ailleurs c'est des milli... Ah non, M-O-L parce que c'est l'unité, c'est le millimol. L'unité c'est bien la mol. C'est 1,14 fois le symbole, c'est bien M-O-L. Ah, et Réval qui dit j'ai une demi-mol. Voilà. Donc t'as 0,10 moins... Alors, c'est pas glorieux. La définition officielle dans le système international, c'est la mole et la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,0 kg de carbone 12. Oula. C'est pour ça que moi, en tout cas dans le milieu médical, c'est un truc qui est énormément utilisé parce que tous les calculs des composants. Alors, t'as pas trouvé ? Tous les composants du sang, la plupart des composants du sang se calculent en millimoles. Ouais, c'est ça. Millimol. Ça, ça a été un cauchemar au collège et au lycée. Ah ouais. Une millimol. Autre information, donc ce nombre est appelé nombre d'Avogadro. Oui. Hein? C'est la constante. Ah oui, je l'ai entendu ça déjà, le nombre d'Avogadro. Ah, Avogadro. Nombre d'Avogadro. Moi j'ai fait un copier. Non, mais les deux, c'est pas gros. Enfin, du Guacamole, mais des Avogadro. C'est ça. Toi, travailler. Lorsque l'on parle de la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, des particules ou des groupements spécifiques de telles particules. Oui, puisque c'est une, ça en analyse une quantité de matière. C'est pour une matière donnée. On calcule le taux de glucose dans le sang en millimoles par litre. Ouais. De sang matière par litre de sang. C'est ce que je voulais en fait. Du coup, c'est qui a répondu cet ocheux? Ouais, bravo. Il est bien cet ocheux. Je pense que là, il va truster tout le questionnaire sur ce genre, sur ce truc-là. Et on arrive à la dernière unité du système international. Donc tout le reste, je suis comme je le genre. Et ça se base ou des dérivés, voilà, c'est des dérivés de ces unités. Ouais. Donc, c'est l'unité de l'intensité lumineuse. Ah oui. Toucheux. Le candela. Oui, ouais, candela. Le candela. Ah, le symbole. Grand C majuscule. Pas du tout. C'est. Non. Non, c'est. C'est pas un nom, c'est bien chandelle. Je crois que c'est K. Pas du tout non plus. C'est pas petit K. C'est pas un L. Ah, mais c'est. Non, c'est pas petit K. Petit K. Pas du tout. C'est un candela, c'est pas un luxe. L'humaine. Pas du tout. L'humaine. Lumen. C'est A en minuscule. Non, les lumens, c'est autre chose encore. C'est la. Je tente, hein. Je sais pas, je connais pas. Moi je bouffe mes clémentines. Je connais la signification, mais je connais plus du tout le. Alors, Révan sur le chat a dit le candelero. Non, ça c'est la mission de. Vraiment pas une lumière. Ouais, c'est ça, ou le degré de lourdeur, exactement. Le petit B. Ou je pense que Gandalf il est bien placé. Non, mais parce qu'en plus, le candela ça s'exprime en unité de. Enfin, c'est représenté par une couleur, une chaleur de couleur. C'est non, c'est le Kelvin qui a une couleur. Ça, c'est le Kelvin, la température de couleur. C'est la température de couleur, c'est le Kelvin. Ouais. Ça, c'est utilisé Candela, en photographie. Candela, c'est la lumière d'une bougie. Ouais. C'est pour ça que je pensais à petit B. Ah, donc, oui. Le symbole, non, c'est tout simplement CD. Comment CD. CD. D'accord. Ah, CD. Ah, oui. Donc, le Candela est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10 puissance 12 Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1,683 watts par stéradian. Ils sont loin vos cours de physique chimie du lycée, vous aussi. Bah là, l'intensité. Donc, c'est moi qui sont plus. En fait, surtout, c'est l'optique. C'est représenté par. Ouais, mais j'en ai fait un peu d'optique en physique chimie, mais je me rappelle plus du tout. Au lycée, tu attaques par la. Tu attaques déjà les moles, tu les attaques en troisième, si mes souvenirs sont bons. Et après, tu attaques le candela avec l'optique réellement en seconde. Ouais, quand tu vas en seconde. J'ai eu, moi, des notions d'optique en quatrième. Moi-même pas. L'électrotechnique. Oui, la réverbération. La réverbération dans l'eau, tout ce qui est les chambres antiques. Je pense que t'en as eu. J'adore ça. Et toute l'astronomie aussi, du coup. Tu faisais l'optique et l'astronomie. Moi, je faisais l'astronomie. Alors, quand j'étais en quatrième, j'avais pas l'astronomie, c'était l'optique. On a eu des programmes, on a 2 ans d'écart. Nous, on a dessiné des mammouths sur les murs. Putain, de l'époque. Ouais. Donc, j'ai fini avec ce quiz. Ah. Donc, merci à écouter Podcast Science parce que c'est intéressant. Et Wikipédia. Oh, il y en a d'autres. Voilà. Ah, l'autre quiz, ça nous vient de la désémission. Ah, connais pas. C'est une émission, un podcast qui fait des quiz thématiques. Il y a 4 ou 5 rubriques. Mmh. Et là, j'ai choisi une des dernières parties qui s'appelle La Liste. Ok. Je vais vous demander de trouver. Je finis d'expliquer, ensuite, on va faire les propositions. Les mots qui se trouvent dans le règlement de Podren. Ah ouais, mais... Oh là là. Alors, attendez, j'ai en train de nous lâcher des ruines en haut. C'est de la triche, on l'a écrit. Moi, ça m'arrange de pas jouer. Le mot quand je le pas, je présent dans le règlement, c'est Nemo. C'est deux. D-E. Oui. Mmh. Ouais. Je vous demande de me trouver le à tour de rôle. On va faire en liste comme okay. ça. Les mots qui sont présents dedans. Des mots qui sont dans le règlement. Donc. Dans le règlement. Très bien. Que les mots, les chiffres ne sont pas dedans. D'accord, on compte pas les chiffres. Ça va vous donner un indice. Les symboles de ponctuation non plus. Les symboles de ponctuation non les plus. Articles, les articles, oui. D'accord. Et les articles avec une apostrophe aussi. Si. Ah, il faut donner en fréquence. Non, pas en fréquence. Tu dis juste ça, oui, si on a plus. Je vais dire n'importe quoi, tu me dis chaussette, je vais dire s'il est dedans ou pas. Okay. Et je vais vous donner combien de fois il est... Oh, okay. Je vais perdre. Donc oh, tu vas désigner un tour de rôle, c'est ça? On va tourner. C'est ça. On va faire dans l'ordre comme ça. Je vois. On commence dans l'ordre par rapport à Gonzalo. Par pourquoi. Rapport à Pépé. J'ai même pas compris le jeu. Tu me dis un mot qui est dans le règlement. Bonjour. Alors bonjour, on va voir si il est dedans. Il n'y est pas, non. Bonjour, il n'y est pas, donc t'as perdu. C'est marrant. Anal. Non mais vous savez aucun challenge les mecs hein. Le L E. Il est présent. Il est présent. Il est présent, c'est sûr, mais combien de fois? Ah si, attends, faut que je recherche de façon... Est-ce que les verbes conjugués comptent? Oui. Un mot. Parce que... Non mais... Qu'on fasse pas que les infinitifs. Oui. Oui, non, mais... Faut pas l'informer. C'est les mots comptés par verbe, tu vois. Est présent 14 fois dans le règlement de Podren. C'est tout? Et le 2, tu as dit qu'il était comme... Toi aussi. Pas très loin, hein. 24 ou 25, il y a quoi? D'accord. Ok, donc, à toi. À Loli. Moi je dirais 1. UN. UN ? Oui. H-E-I-N. Il est présent 2 fois. Ah merde. Ah je t'ai battu. Je dirais émission. Tiens, mais tu vas chercher. 2S. E accent aigu, MI, 2S, ION. Alors il y a peut-être 2-3 fautes. Perdu. Émission, écrit comme ça, n'y est pas. Ah, c'est qu'il y a un pluriel. À tous les coups, il y a un pluriel. Longeon. On compte les pluriels. J'aurais voulu assurer. LES. Ouais. J'aurais voulu assurer, j'aurais dit choucroute parce que je pense que le mangeage de choucroute est toujours prohibé. J'allais le dire. Lait est présent 10 fois. Battu. Excusez-moi. C'est toi. Je t'en prie. On s'entraide entre eux. Mais je me suis dit, j'allais dire choucroute, moi en fait. Ah, bah moi aussi j'ai hésité. J'ai dit, bon, je vais dire émission. Mangeage est présent une fois. Anna. Taboulé. T-A-B-O-U-R-T. Taboulé. Ah, mais c'est la vraie heure. Oui. Ça pique, hein. Avec un E. Ah, Jean-Jean, il s'est. Il s'est déchevelu. Taboulé n'est pas présent. Oh! On n'a pas écrit taboulé. Ça me paraît. Attends, je vérifie. Tu l'écris comment? T-A-B-O-U-L-L-E. L-E? Non, L-E. L-E. L-E. L-E. C'est pas un côté, hein. L-E. L-E. Exactement, c'est pas ce qui me semblait, c'est moi qui ai tapé de la merde. Elle est présent une fois. Oh bah j'ai gagné. Mais non, c'est pas le nombre. C'est pas le nombre qui compte. Je sais. Là, mais j'ai gagné quand même. Le mot là est présent. L-A sans accent. Ah! 22 fois. Ok, t'as gagné. Il est beau lui. Musica. Donc faut un autre. Le l'aller. Bah là. Merci. On a... Il vient de le dire. Ah, il avait. Non, il avait dit A. Ah. T'as dit quoi? Ah. Là. Là. Ah, t'as là. Dit là, je croyais que t'avais dit A, ah, pardon. Moi je mettrais reine. Moi je te. Ah, mais... Toi tu t'es fait sortir. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai dit anal. En fait, j'ai pas cherché, mais il me sent pas. Ça me... Merci. Quel mot? Quel mot non, t'as dit? Il est vraiment pas. Quel mot? Attends. A, accent. Ah, avec un accent. Un chapeau. Non, pas un chapeau. Dis un accent, s'il vous plaît. On va dire le mot, alors je comprends pas. J'ai dit comment. Je pense que tu te fais sortir à partir du moment où tu trouves. Oui, que tu trouves pas. C'est un mot qui est pas. Oh, j'ai perdu le départ, c'est dommage. Oh là là, comme c'est dommage pour toi. Mais pourquoi je t'ai remplacé et pas. Ah, j'ai hâte qu'on pépé dormir sur le canapé. Mais il y est, je vais juste te dire combien de fois oui. Il y est. Ça m'aurait étonné s'il n'y était pas, honnêtement. Il y est 17 fois. Ah, pas mal. Monsieur Loli. J'ai fini. Il a pu. Non, non. C'est déjà du mal à supporter Loli. Ça. Je réfléchis. Je vais dire choucroute. Oui, non, mais bah, vous jouez pas, les mecs. Putain, vous êtes pas drôles. Choucroute est bien présent une fois. Oh, c'est bon article ça. Article 12. Mangeage de choucroute est prohibé. Monsieur Tocheux. Non, Tocheux. Non, moi je me suis fait sortir, moi. Ouais, dents. Ah oui. Ah. Comment tu le pris? Il y est. Bien du joué. DANS. Ouais. Bien sûr. Parce que sinon. Non, du coup, ça c'est vrai pas des. Sinon, t'as la convention des chirurgiens dentistes. En fait, tu vois, j'ai dit les, elle a été, et maintenant, DELT. C'est pour pas après. Voilà. Bon, facile. Finir. Article. Allez, ouais. Bien vu. Merci, Pépé. Il y a très chaud du vélo là. Bah. Non, alors, tu écris comment? Avec un stylo. Tu écris comment? Ok, bien vu. Sans S, il est présent 13 fois. Ah oui, il y a 13 fois. Ah, GG. Tant de malheur. On va aller faire la question. Anna. C'est que c'est. Prohibé. Ah, c'est pas déjà dit ça? P-R-O-H-I-B-E. Ouais, alors que moi je l'aurais écrit P-R-O, il est présent E-B une fois. Ah, bien. C'est-à-dire qu'on prohibe pas grand chose à peu près. Absolument. E-E-S-T. Ah, j'ai présent 16 fois. Vous êtes pas drôle, vous cherchez pas les mots compliqués. Bah non. Alcool. Alcool. Je sais qu'il est présent dans le groupe. Il est présent une fois. Voilà. Bien joué, celui-là. Ah, c'est EST. Non, c'est déjà fait. J'ai dit merde. Fais un fuck. Tu peux dire E-T. Bah, E-T, ouais. Il est présent 7 fois. Ah, t'as plus 7 fois ? Ouais, tiens. C'est vrai que ça devient compliqué quand même là. Ah, t'as vu, hein ? Mais non. Du. Il m'a l'air chaud le. Comment ? Du. D-U. Pas d'accent sur quoi. Tasto, il m'a l'air chaud. D-A-U. D-H-A-U. Il est présent. Hop. D-A-U 8 fois. Attention, je change de. Alors, sidéroïté, droit. Ah, bien. Il est présent deux fois. Il y a le droit à l'image et il y a l'autre endroit. T'as l'autre endroit ? Il y a le droit de fermer sa gueule. Oui, parce que là, tu donnes des réponses. D'accord. J'hésite entre la facilité et le challenge. Le challenge. Joue le game. Vas-y. Laisse gagner ceux qui jouent la facilité. Podcast. Ah, je suis pas sûr. Ah, c'est bien tenté. C'est comment? Alors avec ou sans S, ouais. Là, on sait qu'on c'est là, c'est qu'on est à Tignon quand même, hein, quand tu mets un peu avec S. Même. Il est présent 0 fois. Ah. On applaudit quand même la tentative de. Non, parce que sinon j'allais dire mangeage, mais. Mangeage. On t'avait perdu quoi. Randall l'avait fait. Randall l'avait fait. Dis donc, le mangeage, ça m'étonnerait. Une. Et je vois ce que je vois. Oui, il n'y a plus de prix. Oh putain. Une est présente 3 fois. Quoi, prune. Une est présente. Une. Et prune prune, non. Prune est plus présente. Écoute, c'est pas plus mal. Ouais. Prune est décédée. Tu peux ramener la bouteille. D apostrophe. Franchement, je veux un genre. Qu'est-ce que t'as dit? D apostrophe. Bravo. Ah, on a le droit à ça. Ah, oui. Oui, oui, ça a été dit clairement. D apostrophe est présent 5 fois. Eh hey, tiens, la patate chaude. Bah, L apostrophe. J'ai dit. Non. Tu l'avais pas fait ? Non. Je l'avais pas fait. Ah, je crois que je l'avais fait. J'ai dit. L apostrophe est présent 14 fois. Parce qu'il y a entre autres l'alcool. Oui, ça arrive. Ouais. Oui. Loli, pragmatique. Loli, pragmatique. Moi j'ai alcool et toi t'as le L apostrophe. On fait bien la paire. Voilà. Et la bonne sécurité. Ah, ça c'est pas con ça. Mais c'est comment bonjour, il est singulier. Pardon, j'ai oublié. Sécurité n'est pas présent. Ah. Oui, bonjour, Jean. Allez, flag. Figure de style, je errai pour la. Dommage, c'était bien tenté. Ah, la tienne, Étienne. T'es le Jean, c'est mon idole. Flag. Sale, S-A-2-L. Ah putain, il m'a piqué l'idée. Sale est présent 3 fois. Oh, il joue le game là-bas. Asto. Bah, j'ai en partie écrit. Ah, on est 4 encore, c'est vrai, tiens. Interdit. Ah. INTERDIT. Ouais. Interdit est présent 3 fois. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Je réfléchis, je 3 heures, non, quasiment. 2h30. Et à 3h, on fait une coupure. Ou je pense qu'on va couper avant. Pour le... Non, mais si on dure plus de 3 heures, on est obligé de faire. On fait une coupure à 3 heures, quoi qu'il arrive. Ou OU. OU. Oui. Avec ou sans accent? Non, sans non, accent. Sans accent. Ou OU est présent 8 fois. Oui. Putain, j'ai eu un doute. Loli. Faut pas me lancer sur ce genre de jeu là. Musical, alors, je sais plus si ça a été fait, mais je vais dire consommation. L'adresse. Non, ça n'a pas été dit. Je crois qu'il n'y est pas. Ça n'a pas été dit, mais ça serait pas impossible. Léon Lebert. Non, justement, c'est plus le même. Comment c'est ouais. Bah, sans la consommation. C-O-N-S-O-2-M-A-T-I-O-N. Ça peut être aussi une consommation. Et la consommation d'alcool. Ah, consommation d'alcool. Oui, consommation. Non, je ne l'ai pas. Ah, bien joué quand même. J'ai tenté. Oui, bah, alors, j'ai tenté sur des vrais mots, pas juste des articles. Vas-y, allez, flag. C'est pour des fair play. Ouais. Des grands hommes. Oui, c'est à ça qu'on connaît le talent. P-L-A-C-E, place. Ah putain, Flacio. Joli. Pourquoi place est présent 2 fois. Ah putain. Musica. Non, il a, pas été. Mais il est vivant, Léo. Je suis encore en vie, je vais tenter avec. Oh. Ah bah oui, pas con. Avec est présent deux fois. Ah putain. C'est pas beaucoup, hein. Ouais. Avec un peu de chance. Je crois qu'il a pas été dit entrée au féminin et singulier. Donc, et ça, c'est bien, ça. Entrée et ouais. Présent singulier, singulier féminin. Oui, donc quatre fois. Ouais. Bien, ça, c'est bien joué, ça. Ouais. Quoi, il reste plus que nous deux? Non, il y a toi, moi oui, et le grand Toupal, et le grand Toupal. Le grand Toupal, pas le grand Toupal. Le grand Toupac. Déjà fait. T'as réagi trop tard, mec, t'as réagi trop tard. Va falloir sortir des mots maintenant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des mots. Non. Mais non, mais l'aide pas. Organisateur. Ah, bien. Avec un S. Avec un S? Ouais. Ah. Ouais. C'est bon, ça... Il est présent 5 fois. Oh, bien joué, bien joué. Sans S, il n'y est pas. M'étonnerait qu'on ait mis un organisateur en exergue. Ouais. Putain. Hey. Dis donc, chaise, mon ami Toshu, il... Au pluriel. Tu joues. Et tu perds. Ah merde. Ah, j'applaudis quand même la figure. On applaudit la performance de la Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, c'est à l'usure, ça va se jouer. Avant, c'est peut-être au sel. Inscription au pluriel. Ouais. Ah ouais. Les inscriptions, je pense que ça y est. Me semble, mais je suis pas certaine. Et peut-être sans S. Je ouais, sais il pas. Il sera peut-être au singulier. Moi, j'aurais inscription dit... avec un S est présent 0 fois. Oh, Et pour continuer dans la tradition de la désémission, tu vas me donner 3 mots et je vais te dire s'ils sont dedans ou pas. Alors. Inscription sans S, il y est, ah, obligatoire. Ah merde, il y est aussi, je regarde quand même. Tu écris ça comment? Sans S. Bah, il y est sans inscription. Obligatoire au purée, moi je l'ai pas vu souvent. Hein. Elles sont obligatoires. Ouais, pourtant ça s'accorde. Les inscriptions sont obligatoires. Oui, ça s'accorde. Ouais. Ça, c'est sympa. Moi j'aurais plutôt dit l'inscription est obligatoire. Oui, non. Après, mais c'est. Ouais, ça dépend. Je ça dépend comment tu vois le truc. Là, c'est une question de tournoi. Il doit y avoir aussi. Qu'est-ce que j'avais? Soif. Horaire. Avec un S. Il y aurait horaire. Ah. Horaire avec il un S. Il n'y a pas non plus. Ah, c'est heure alors. Ah bah. Heure non plus. Pot de jam. Alors je vais vous faire. Je suis con, j'en ai pensé. Parce que la pot de jam, c'est un truc à côté normalement. Ouais, moi ouais, je suis. Il n'est pas sûr. Dedans. Donc non, je vais vous faire toute la liste rapidement. Il y avait 4G, A, acceptation, accès, accessible, accompagné, adresse, alcool, aller, amener, ami, amour, après, article. Amour. Amour. Attitude, O, auré, autorisation, on autorisé, E, autorisé, S, O, A, U, X, avec, avoir, bar, basse. Ah putain, O, A, U, X. Bar, basse. Ah mais oui, on est con. Mais autorisé et autorisation, j'ai pas pensé. Donc, O, avec, avoir, bar, basse, bavarder, beaucoup, bien, boire, bonne, bruyant, C, ça. Donc c'est juste la lettre C. Lis directement le règlement, ce sera plus rapide. K. Ce, CD, 7, 7, avec charge, choucroute, cigarette, circonstance, flou, comportement, compris, concernant, conforme, chiasse, avec un S, contacté, ça, c'est bordel de toilette, coup, des apostrophes, bah oui, dans, de, comportement. De, déballage, la déballage, dégradation, déguisé, dehors, demande, demandera, exhibition. Déroulé, déroulé, déroule, pardon, derrière, DES, dessous, déroule derrière, mon gars. Devra, dira, direct, discrétion, disposition, sans S, disposition avec un S, diverse avec un S, donc, don avec un C et un S après, droit, but, email, effet également, électronique avec un S, aide, encourager avec un E, enfreindre. Entre, entrée, environnement, EEST, EET, étant, être, événement, éviter, éviter, ER et évitier, exception, expression, expulsé, faire, fait, faite, faite, FR, fréquenter, fumer, garantie, général, gens, gratuit, HTTP, UE, il, image, implique, incluse, inscription, inscrite, interdire, interdit, interdite. Intéressé, intérieur, joke, jouer, juger, jura, L apostrophe. Là c'est trop long. Bah, arrête, c'est bon. Là t'as jeté les. Là j'en peux plus. Là, c'est le. Lisez Grégo, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non nain. Il n'y a pas l'opinel. Je suis désolé, mais il n'y a pas l'opinel pour la porte. Putain, c'est vrai qu'on est cru. Ça aurait été beaucoup plus drôle si tu l'avais. Dis-le, là, la porte des chiottes, elle a. Ça m'a donné un opinel. C'est vrai. Il marche sur son opinel, mais pas complètement. On ferme. Il n'y a rien marqué sur le Gandalf 80. Non, vas-y. Ça va venir. Ah, c'est fini. Mais carrément, t'as fini, ça y est. Bah oui, parce qu'on va pas faire tous les mots sans plan. Non, on va pas faire ça pendant 30 ans. Jingle. Jingle de quoi ? En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Dans la musique, de la musique. Ah ouais, mais là, c'est trop tard. Alors, je sais pas s'il y a un sociétos qui a regardé le drive, enfin le document de travail il y a quelques temps. Pas du tout. Mais il m'a fait remonter qu'il y avait une musique qui lui plaisait un petit peu plus que d'autres dans un certain album. Donc nous allons écouter Brother in Arms sur l'album Brother in Arms, sorti en 1985. Meilleure musique du monde. Ouais. C'est pas très japonais ça. Sorti par Dire Straits, qui est le meilleur groupe du monde. L'un des meilleurs groupes du monde, si ce n'est le meilleur, tellement c'est. Enfin, bravo. Là, c'est officiel. Et j'ai mis ça pour mon ami Tocheux parce que je le remercie de faire tous ces kilomètres pour venir. Ce n'est pas le seul, mais voilà, c'est pour le remercier de sa fidélité et. J'espère que ça va lui faire plaisir. Parce oui, que là, ça me fait très plaisir. C'est pour moi un des meilleurs morceaux. Oui. C'est assez vrai, Randall est très. Vas-y. C'est que le cadeau en fait pour le vainqueur, bah, c'est d'avoir passé tout le week-end avec nous. la culerie jusqu'au bout. Ah, mais vraiment, c'est les trucs de la pot jam. Hein, merci à vous. C'est le cadeau pour les perdants. C'est. Non, voilà. Moi j'applaudis. La prochaine. Pour, oh, ben, on se retrouve au mois d'avril pour. Bah, au mois de mars. Une nouvelle mois de mars déjà. Ouais. Ben non, au mois de mars ça a été déjà. Non, on a fait janvier, février, mars. On se retrouve au live de mars. The live. Voilà. De mars. Ah, pour la prochaine. Dire Straight. Dire Straight, Brothers in Arms. On est les frères de Dire Straight. Voilà. Les Brothers in Arms. De toute façon, on a tout le même âge. Hein. Ciao. À 10 chats. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. J'ai fini. Ouais. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. In every life.